Mama, 你就别说天大过地牛啊。Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama,Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama,c'est-à-dire les sons de nos frères Babongo, les frères de Simba et tous mes frères pygmées. C'est les sons qui viennent droit de la grande forêt gabonaise. Merci encore, Ya Marcel, merci. Merci, merci, merci encore. Je vous prie donc d'inviter le maximum de personnes. Aujourd'hui, nous allons parler effectivement de vous accoutumer à maîtriser vos passions. Et dans le cheminement spirituel, malheureusement, peu de maîtres, peu de guides,Peu des hommes sages, peu d'hommes spirituels vont mettre l'accent sur la maîtrise des passions. Mais qu'est-ce qu'on appelle les passions? Vous aurez à le découvrir, s'il vous plaît. Ça va vous aider, quelle que soit la voie que vous avez choisie. Même si vous avez choisi la voie sacrée, la voie du Bouété, la voie du Nyembi, la voie du Mouiri, la voie du Nzobi, vous verrez que les grandes, pour avoir accès aux grandes arcanes secrètes, la maîtrise de vos passions. Et qu'est-ce que c'est la maîtrise des passions? C'est très important que vous puissiez vraiment saisir cette opportunité. Aujourd'hui donc, les grands maîtres invisibles, tous nos ancêtres, y compris ceux de la forêt gabonaise, auprès de mes grands maîtres, pygmées, profitez-en s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, ils m'ont beaucoup inspiré. Et c'est de ça que je vais pouvoir vous parler.Je ne prétends pas être leur porte-parole, mais par les sages conseils que je reçois d'eux, par les visions que je reçois d'eux, par beaucoup de choses. Je ne veux pas vous en parler en plein live. Je vais partager avec vous donc quelques connaissances que j'ai puisées auprès d'eux, afin de partager avec vous en fait. Parce que beaucoup ne savent pas que le Bouiti en fait est venu des forêts, que le Bouiti vient de nos frères Babongo, de Simba, Bakwe.Ils ne savent pas, beaucoup ne le savent pas, que le Bouiti vient et les vrais détenteurs du véritable savoir mystico-spirituel, des grands cercles, des grandes arcanes secrètes, ce sont nos frères. Donc, je vous prie d'inviter, avant que je ne commence, je ne vais pas beaucoup parler, rassurez-vous, je vous permettrai de poser des questions en rapport avec les grands mystères.En rapport avec les grandes initiations de Chemin, en rapport avec les grandes initiations de Chemin, je veux dire, depuis l'Égypte antique, les phénomènes que vous devez expérimenter en tant que noir, c'est très important. Merci beaucoup. Merci encore. Donc, merci à Yann Marcel. Merci. Merci pour cette note musicale qu'il a faite lui-même et qu'il m'a envoyée. Merci encore. Donc, le temps.Pour vous d'inviter encore, ben je veux pouvoir entrer toujours dans la grande forêt de mes frères Pygmées. Cette fois-ci avec le Mubongo. na goda soko soko nyanya bididi boga boga na ngonda konda bango konga boka nge na goda simba na bokande konga boka nge na goda pola ni simba konga boka nge na goda nzambe ya maji akasi mapopera mwana ngo misenga. Kwa hiyo, matuta, sungwa, sungwa ni mambo, tuka gomi mwesi, pandu. Yewe mwale. Tuka teba ngo bago demba, kuma na mbata na sinamuma, kwa kwa tambo na pudia na mwereja anda mabondo. Yeah, Molly. The band won no more time, Molly. And your kingdom, Kukuani Matui. The band was able to get in twenty man, a woman, a woman, kuna tsotsi wa kuma tsoko mu dima wo tsenja mbomba la inga na goba ma malanga na golemba kha ye wo go tibo tibo tibo ma gamba wo kiti mo go bomba ye wan wona na ma ta e bandu wa tita tita mu gombo angu kanga na sumba ama kama boga na ngomba kanza na misa gombo na nikasi bima na mbangu bima oba Mubega manyami. Dangu wa gumina makaja na dibo mga na dingo waja masema wubu kukukuweja pijia yuwa na janda na mituko lima nyamba bango na kapinji mbe mbe na mkuta. Dangu wa koko inde wetsa wesa kuba nza kuru mga mga manguri mamu tamba wuhimba. Dangu wa dekadi ke mbe kutuba mbe mga sabara mbe mga sanga kuma mbe mga mangaji. Ya dekadi jebore sa mtutu chanji mbuka minanga na toja na obe. Adekadi ya bigi pepa na mwanko. Adekadi bitaku. Wendo bitaku liba. Ema otsema kwa ndo na ngadi. Ema otsema kwa ndana humo kungu wa kanza. Kenya kina mikuku. Iko kojani na mingo ngojani. Buti asima ponzi makoti. Kita mapote bambalanga. Kama pote bambalanga. Kami sonobe kamara. Bongoni kita mwombo ni mutata na mkengeja. Mkugwana wunzi bugyanyi. Iko kogwa ni mabingo ngejanyi. Mkumunango tili uwelezani kuku tsaji mweka mnanga na togu na ubea. Mkumunango tima bambona madiwa na mbongo dawana za mkei. Iko kwenye na mingo ngojani. Anyakina mikuku na kupinja bondi. Uma ai nongorai na makeja na dibonde na mingo wajama sema huwe kukukuja. Bukadi wana janda. Anchoku bina gamba ngini na pinji mbe ngana mkuta. Kewe mwale. Anyakina mikuku. Jase mota kinda dinganga. Kama wendase. Kuda peka wadi loto wema. Tena toto, wema tokombo di mawete nga mbumba. Mainga na wama wanga na gole mbaka. Utata ase kina dinganga. Ukangeja ase. Mbeba ni, tukutongo ni, mami soba tukubaya. Kama wenda sige kutuja peka wena aku wena. Tena chaochi ya wema chakombo di mawete nja mbunda. Yedika na jelikuba. Mumene na jelikuba. Pandama na jelikuba. Mutaba kumu kana jelikuba. Nawe kututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut

Tina chocho kama chocho kama duma wote ingia mbumba. Na yuko kuku kuku na wale duma. Eka la ina bwana kwa mgombe si matombo ngambo na kupeka. Ngambo na kupeka yote anakukonga bembo. Mtumba na bengo bengo mbumba na bengo bengo matai manga na tina bengo bengo bengo bengo bengo bengo. Niko kwa jani, kaningo ngo jani, anye kina ni kuku. Kama agenda se tuja todi nyadi nkwe se lima namba kai tombo mwato mpele mbango. Tuna choche, kama chokomo duma wote ngea mbunda. Kutike chaki huko bakobani, mwolo na kichinganga ni manda. Mbunda ima wanganga ngakuna nge, mwoko imba kumbo benza ningea nya kugama. Kitaka na kukunga bongi. Kukunga bongi na wepamba samaluko chubo chubo. Chubo. Base mugumbu, base, base, base. Base, base, base, base, base. Pardonnez-moi. Il fait très froid, mais j'ai dû transpirer. Bref, seuls les initiés du véritable Bouété comprendront le message qui vient d'être passé par mon frère des forêts. La grande initiation, l'accès aux arcanes de nos ancêtres, l'accès aux véritables bouétés originales, ce n'est pas ce bouéti que nous voyons aujourd'hui, que nos frères bantous commencent à gaspiller. Nos frères bantous, bien sûr, en ont pris usage, en ont pris accès à travers le frère Bapindi, à travers le frère Mitsoro, le frère Tsoro Pindi, et même le frère Kota, ont dû proliférer, pour ne pas dire diffuser ces choses-là. Mais malheureusement, quand je dis bien malheureusement, parce qu'aujourd'hui, les véritables connaissances des arcanes secrètes du véritable Bouti est complètement calboignée. Pardonnez-moi ce message s'adresse personnellement à moi et à tous ceux qui sont initiés. C'est pour cela que je suis un peu sous l'émotion, pardonnez-moi. Mais c'est pour vous dire que, justement, quand j'écoute ce frère de la grande forêt gabonaise qui m'adresse ce message à moi, à travers moi, il adresse à tous ceux qui sont initiés ou futurs, ou ceux qui sont, qui ont l'intention de s'initier, l'importance de prendre au sérieux cette véritable tradition qui est vieille de plus de 12 000 ans, vieille plus que l'histoire, car même les pharaons, quelques-uns ont eu accès au bouéter. Quelques-uns utilisaient la plante sacrée. Il a fallu que je puisse quand même, à l'introduction de ceci, vous faire passer ce message. Ça, c'est un frère. Je le remercie, je ne veux pas citer son nom, mais je dis merci à Yann Marcel, parce qu'il y a beaucoup de Marcel, donc il se reconnaît. Et je sais qu'il est branché en ce moment. Merci Yann Marcel pour ce message. Merci beaucoup. J'espère que les générations futures, que les générations actuelles, qui sont plutôt attirées par le gain, qui veulent utiliser notre religion traditionnelle, qui veulent utiliser nos rites, qui veulent utiliser notre bouété, en vain, pour le pouvoir, pour l'argent, pour le sexe, puissent-ils aujourd'hui, sous le contrôle de mes ancêtres, du côté de mon père, tous initiés du Bouété, Kibink, Dimbou, Mebiok, Mavang, Ikembus, Gipembuswa, tous en plein, qui ont atteint le grand grade de bouéité du côté de ma mère et du côté de mon père, au Moubié, à Douma, au Randa, Mbourou, Ralikao, tous également Il tenait les torches. Il tenait les deux torches, montrait le chemin. La flamme, je la voyais. Donc moi, en tant qu'arrière petit-fils, je viens ici, avec leur permission, pour vous donner quelques indications, parce qu'on a tendance à trop jouer avec nos traditions. Et ces indications-là, on les retrouve également dans d'autres grandes écoles. Donc, le but de notre rencontre aujourd'hui, c'est de vous parler, de vous accoutumer, accoutumez-vous à vous maîtriser, à maîtriser les passions, à maîtriser les terrestrités humaines. Parce que, voyez, le grand temple que Tetan Wang a mis à la disposition de l'homme, c'est la grande forêt. Lorsque vous prendrez le temps d'aller méditer dans les grandes forêts, quelle que soit la forêt, vous allez vous retrouver. Que ce soit la forêt des chenoux en Afrique ou la forêt d'ici, nos ancêtres vont vous révéler des vérités. Pourquoi il est nécessaire que vous vous accoutumiez à maîtriser vos passions? Mais parce que justement, je vais commencer par les grandes écoles occidentales. Notamment, surtout les écoles orientales. Je vais vous amener donc au Tibet et en Inde. Là-bas, ils ont une méthode assez exceptionnelle. Cette méthode consiste donc à demander à l'adepte d'observer certains préceptes. Et lors de cette... Lorsque vous allez donc rentrer dans ces grandes écoles-là, on va vous demander de prêter serment. Cette prestation de serment consiste pour vous de jurer, oui, je le jure, que je rentre dans cette école et que je m'en tiendrai au secret de tout ce qui me sera divulgué, de tout ce qui me sera donné de bouche à oreille et que je ferai tout pour faire mourir les terrestrités humaines qui bouillonnent en moi, lesquelles terrestrités humaines me sont bombardées par les cinq sens sous couvert de ce corps grossier. Ce corps grossier, c'est le corps physique. Car le corps physique a cinq filtres. Ces cinq filtres d'entrée qui permettent justement à vous, en tant qu'homme fondamental, d'apprécier la vie, d'aimer tout ce que la vie vous offre. Car les dieux, en commençant par Theta en langue grecque veut dire le premier, et en langue tsoro, c'est la même chose. Theta, Mwanga. Theta dit Wanga. Donc le premier, le grand, le créateur, le dieu des dieux, ainsi donnant le titre, c'est lui-même qui a mis en place ces choses-là. On ne peut pas prétendre être dans la lumière et qu'on patauge encore et qu'on est encore victime du courant qui se dégage des cinq filtres. Et ces cinq filtres qu'il y a dans notre corps, ce sont les cinq sens de notre corps. Car à travers ces cinq sens-là, si vous n'êtes pas un véritable initié, qui n'avez pas bénéficié de la véritable initiation, que vous soyez dans une loge africaine, parce que loge veut dire temple, hein, pour votre information, que vous soyez dans une loge chinoise, que vous soyez dans une loge africaine, que vous soyez dans une loge indienne, on vous avertira, on vous dira que la voie sur laquelle vous vous branchez là, vous allez être confronté à beaucoup d'embûches. Les religieux ont copié ces paroles-là. Les religieux ont copié ces paroles. Il y a certains écrivains, il y a certains religieux, notamment Saul de Tarse, qui avait dit « Ce combat n'est pas facile, car vous êtes sur une grande course, mais c'est un marathon. Ce n'est pas un sprint. Ce n'est pas la course rapide, c'est un grand marathon. Vous tombez et vous devez vous relever. Car il n'est pas facile de détruire le vieil homme. Mais moi, je lui dirais ceci. Je ne vais pas demander pour vous, je ne vais pas vous demander de détruire le vieil homme. Mais je vais vous demander de cohabiter avec le vieil homme. Je vais vous demander de dompter le vieil homme, le charmer. Tout comme vous recevez un chien méchant, vous devez faire tout pour mettre à l'aise ce chien. Et que ce chien doit s'habituer à vous. Ce chien doit se soumettre à vous. Parce que le langage des religieux qui disent « Oui, j'ai tué le vieil homme », c'est le mensonge. On ne peut pas tuer ce vieil homme facilement. Mais en fait, qu'est-ce qu'on appelle le vieil homme? C'est une erreur. Je vous dirais plutôt, c'est le premier homme, c'est-à-dire l'homme fondamental. Mais cet homme fondamental, justement, est encastré. Il est entouré des scories. Il est entouré de saletés. Il est complètement tout comme un enfant qui est dans cet embryon, qui est dans le ventre de sa mère. Lorsqu'il sort, il faut qu'il sorte de ses os, qu'il sorte du plan Saint-Anne. Oui, ce vieil homme, en fait, il est devenu vieil homme parce que nous l'avons enfermé dans un plan Saint-Anne mystique. Et ce plan Saint-Anne mystique, c'est quoi? C'est qu'au début, quand Teta Mwanga nous crée l'être suprême, quand il crée les premiers êtres, quand il crée par pouvoir délégatoire l'homme que nous sommes, cet homme qui est devenu le vieil homme, en fait, pourquoi on dit vieil homme? Parce que ce vieil homme a tendance à nous attacher à ce qui nous avait fait chuter dès la première fois. Et les religieux diront que à cause du péché original. C'est pour cela qu'on l'appelle le vieil homme. Parce que l'homme original n'était pas comme ça. L'homme original, c'est l'homme parfait. Maintenant, il faut casser ce plan Saint-Anne. Il faut le sortir de là. Il faut nettoyer. Pour ceux qui ne sont pas encore initiés, il y a le bébé qui est endormi en vous. Mais pour ceux qui sont déjà initiés, le bébé veut sortir. Vous voulez déjà accoucher, spirituellement parlant, homme comme femme. Mais cet accouchement ne peut être possible car il y a les cinq sens qui bloquent encore votre bébé. Mais ce bébé qui est bloqué, c'est le véritable être fondamental qui est en vous. Et cet être fondamental qui est en vous, pour qu'il puisse se réveiller, pour qu'il puisse maintenant prendre corps et forme de toute votre être-té, afin que vous deveniez un véritable être humain divinisé. Être humain divinisé veut dire un être humain, c'est un humain, humus, manus, homme comme femme, qui exprime son être-té sous couvert de l'homme fondamental, du premier homme, du vieil homme. Mais ce vieil homme n'est pas considéré au sens négatif. Ce vieil homme, c'est l'homme qui était endormi en nous, mais qui attendait tout simplement par une prise de conscience, d'abord individuelle et collective, de par des mutations mystico-spirituelles ou initiatiques, par l'éveil de votre conscience, soit sous couvert du bois sacré dans nos forêts, ou encore par la connaissance orale de bouche à oreille, ou simplement, pour certains comme nous qui avons pris le risque, de venir expliquer ces petits mystères ici et maintenant, à travers des lives. Mais le véritable flat luxe, ce flat luxe qui est cet éveil de votre conscience divine, spirituelle, l'éveil de l'autre, de ce vieil homme. Mais ce vieil homme n'est pas considéré au sens négatif, c'est pour ça que je dis, je me lève contre le vieux langage malencontreusement copié et mal interprété, dogmatisé par notre ami Paul, celui qu'on appelait le Saint, Saint Paul. Il a dit le vieil homme, je ne suis pas d'accord avec lui. Dans sa compréhension. Parce que pour lui, dans sa compréhension, le vieil homme en question veut dire c'est l'homme qui est enclin à faire le mal. C'est l'homme. Non, l'homme n'a pas été créé enclin à faire le mal. L'homme a été créé enclin à faire le bien, mais à s'assurer qu'il harmonise le bien et le mal, car lui, il est le maître du bien et du mal. Donc, ce vieil homme, en fait, c'est l'homme original, c'est l'homme fondamental qui dort en nous, mais que nous devons veiller. Que nous devons réveiller Et c'est dès l'âge de 7 ans. Chez nous en Afrique, on vous mettra dans ce qu'on appelle, particulièrement chez moi au Gabon, on vous balance dans le Mouiri. On vous mettra dans le Mboudi. Parce que tout marche avec le nombre 7. Dès l'âge de 7 ans, ou 14 ans, ou 21 ans, vous rentrez là-dedans. Mais le vieil homme est en vous. Mais retournons un peu dans le ventre de votre mère. Vous étiez cet homme esprit. Vous étiez cet esprit avant de devenir homme. Au commencement était le verbe, la parole, l'énergie, l'esprit. Et cet esprit devint chair. Cet esprit résida au milieu de nous. Et cet esprit apporta la lumière. Mais dès qu'il apporta la lumière, ceux qui vivaient dans les ténèbres refusaient cette lumière. Voyez-vous donc, tout être humain que nous soyons, bien sûr ces paroles sont citées pour ceux qui sont chrétiens, c'est le livre de Jean. Lequel le livre de Jean est cité expressément également dans l'évangile de Yacine chez nos frères musulmans. Ça, c'est un livre mystique. C'est un livre spirituel. Ce n'est pas un livre religieux dont les chrétiens en ont fait une propriété. Parce que ce livre seulement de Jean chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 12, vous explique justement les différentes mutations du vieil homme. Au commencement était le verbe, diront certaines versions, mais au commencement était l'esprit. C'est pour cela que je vous ai toujours dit que vous êtes d'abord esprit. Donc, au commencement, donc ce vieil homme qui était et qui est esprit est en vous. Donc, ce vieil homme, maintenant, il faut le réveiller. Mais pour le réveiller, il faut passer par quoi? Il faut passer par l'accoutumance à la maîtrise des passions terrestres. Parce que vous êtes venu par un phénomène incarnatoire. Vous êtes venu par l'incarnation. Vous êtes donc incarné dans le ventre de Madame Matsanga. Le neuvième jour, vous avez décidé, je vous l'ai dit, le neuvième mois, vous avez décidé de rentrer à travers la technique du souffle de vie qu'on force un bébé lorsque le bébé lance le cri, et c'est de là où l'âme intègre totalement. Car l'âme est à la disposition de ce nouveau corps depuis le premier jour de vos ébats sexuels, dès que la femme ne voit pas ses règles. Cette âme guette. Ah oui, oui. L'âme est là. Mais l'âme n'est pas encore entrée. Mais seulement l'âme est prédisposée. Moi, Komba Nzibo Maruka, Maruka Mangingandenga, Mahinga Mandenga, de Mbombo, Mbombo Nzibo. Je suis ici et maintenant. Je veux m'incarner dans le ventre de ma petite fille, Bayahouya. Mais j'attends le moment venu. Ainsi donc, tous les ancêtres que je venais de citer, qui existent bel et bien, du côté de ma grand-mère, tous ces ancêtres-là ont déjà désigné quelqu'un. C'est pour expliquer un peu le phénomène où dans un enseignement où je disais qu'en réalité, un être humain jusqu'à 9 mois avant l'accouchement n'est pas encore être exprimé. Les gens m'ont pris de fou. Et je disais que même s'il y a un accident, que quelqu'un ait commis un avortement, ce n'est pas un crime en tant que tel, en tant qu'initié. Pourquoi? L'âme n'a pas encore pris possession. Mais l'âme est déjà là, dans la prédisposition et dans la liste d'attente, cette âme est là. Mais je vous informe, ça c'est encore des arcanes secrètes que personne ne vous en parlera, seul un initié. Je vous ai cité les noms de mes ancêtres qui, pour la plupart, sont dans les grandes forêts gabonaises. Voilà ce qu'ils sont en train de me dire. Que devant cet esprit, devant cet ancêtre qui va bientôt s'incarner dans le ventre de Ibagahoya, derrière cet esprit, il y en a 3 autres. Alors d'où la notion du nombre magique 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Car tout marche qu'en 4. 4, le nombre symbolique de la planète Terre, n'est-ce pas? 4, 4, 4, 4. Les 4 éléments, n'est-ce pas? 4, 4, 4, 4, 4, 4. Et quand vous regardez bien votre visage, là, la forme du nombre 4. Et quand vous regardez que mes frères du Mboudi, de Lokouyi, de chez moi les Galois, le nombre 4 se reflète sur le masque. Le nombre 4 se reflète sur la sitar que joue mon frère du Mboudi du Jumba. Donc, Effectivement, le premier qui est désigné pour se réincarner dans le ventre de cette maman, derrière lui, il y en a trois. C'est pour cela que vous assisterez au phénomène de qu'on appelle ça, de refus à la dernière seconde. Pourquoi? Mais parce que si la petite fille Ibaya Hoya est en relation avec M. Makambo, mais M. Makambo maltraite Ibaya Hoya, alors ce vieux qui s'appelle Komba Komba dira: je ne suis pas d'accord. Et les ancêtres dans le monde invisible vont se retrouver en réunion. Pourquoi tu ne veux pas? Je vous ai dit, je ne veux pas. Je n'accepte pas Makambo. Je ne peux pas m'entendre avec Makambo. Parce que dans une vie passée, ce Makambo m'emmerdait. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut aller à ma place, je préfère désister. Alors, on assiste au phénomène d'une fausse couche. Voilà la fausse couche. Oui, la fausse couche a lieu. La pauvre, mon Dieu, on espérait avoir cet enfant. L'enfant bougeait, il est vivant. À 7 mois, fausse couche. 8 mois, 9 mois même, à l'accouchement. Bon, accident. Oh, mais c'est comment? Oh non, ça ne va plus. Mais parce que M. Komba Komba a refusé, Makambo, dans une vie incarnatoire passée, était son ennemi. Donc faites très, très, très attention. Voilà pourquoi quand vous rentrez dans des relations quelconques, il vous faut maîtriser ces choses. Ça fait partie de la maîtrise de vos connaissances. La maîtrise doit être à l'arme totale, la maîtrise de la véritable connaissance. Vous allez épouser n'importe quelle fille, n'importe quelle femme qui se présente devant vous parce que vous l'aimez, parce que les passions terrestres vous attirent, parce qu'elle est belle, parce que le mec est bon au lit. C'est bien beau, mais est-ce que vous avez percé le grand mystère derrière cet homme qui est là devant vous? Ce jeune homme s'appelle Makambo. Mais est-ce que vous connaissez qui est Makambo? Bref, le vieil homme, c'est cet être qui est là, en vous. Au commencement, vous étiez esprit avant de devenir Makambo. Au commencement, vous étiez esprit avant de devenir Ndomba, avant de devenir Nzemiko, avant de devenir Matsanga Mabik, avant de devenir Oguraya Kendenge, vous étiez d'abord esprit. Car l'esprit rentre dans le ventre de votre mère par phénomène incarnatoire au 9e mois. C'est ainsi que vous rentrez, parce que vous étiez là déjà. Et vous acceptez de rentrer dans ce corps. Voilà pourquoi il y a des cérémonies avant, 6 mois avant même que l'enfant ne naisse, il faut déjà faire les cérémonies de recherche du nom. Quel est le nom qu'on va donner à l'enfant? Parce que vous donnez des noms aux enfants n'importe comment, et quand l'enfant va venir, des fois, le nom que vous donnez, cette personne-là s'est incarnée plusieurs fois, et vous forcez de donner le nom. Voilà un enfant qui va naître avec, deux fois à la dernière seconde, la pauvre Matsanga s'était déjà incarnée dans le ventre de Ibwili. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous insistez que non, moi je vais donner Matsanga. Mais est-ce que vous avez eu l'accord de Matsanga? Et puis, ce sera finalement Matsanga, donc peut-être l'arrière-grand-mère de Matsanga qui portait le même nom, mais qui, elle était méchante. Et vous vous demanderez, mais comment? Ma grand-mère de son vivant, c'était une femme bien, comment se fait-il que j'ai donné le nom? Mais parce que vous ne l'avez pas d'abord consulté. Et il y a des techniques de consultation. Tout véritable initié, y compris votre âme sœur, devait le savoir. Donc, revenons droit sur le droit du sujet, dans le but du sujet, pour que je vous libère tout de suite, dans les 5 à 10 minutes. La véritable maîtrise de vos passions est utile afin de permettre votre vieil homme réellement, l'homme fondamental, de se mettre en marche. Et quand l'homme fondamental se met en marche, ça veut dire que cet homme fondamental va prendre le contrôle de votre corps. Et c'est ça que nous avons enseigné dans la... qu'on appelle ça? Dans la rose-croix, souvenez-vous? Dans la rose-croix, il y a cette technique, n'est-ce pas? Sur la croix, la rose croix, au centre se trouve la rose. Et quel est le rôle de cette rose qui se trouve ici? Voilà la rose. La question est posée à tous ceux qui sont initiés de la rose croix à Morque. Ils comprennent de quoi je parle. Voici la rose, elle est là. Mais cette rose, quel est votre rôle? Quel est votre rôle? Vous comprenez? Vous avez la réponse à cette question. Donc, le rôle justement de votre, comment dirais-je, vous en tant qu'être divin, spirituel, esprit au départ, votre rôle, c'est de permettre l'expansion de votre divinité. L'expansion du vieil homme qui est en vous, l'expansion de la rose. Cette rose doit prendre toute la forme. Lorsque vous partez aux enterrements, vous enterrez quelqu'un et vous mettez les roses. Pourquoi on recommande les roses? C'est une vieille tradition qui date de l'Afrique, il y a de cela plus de 25, 50 000 ans. La rose qu'on vous demande de mettre sur la croix, lorsqu'on va enterrer quelqu'un, on demande de mettre des roses, et des véritables roses. Hein. Et vous, vous reviendrez 2-3 ans plus tard. Si cet homme avait un bon esprit, vous verrez que la rose va prendre la forme sur toute la croix. Et finalement, la croix disparaît et toute cette croix est devenue une rose. Une plante rose qui a pris la forme. C'est à moi. Mais c'est pareil dans le monde spirituel. La rose prend la forme de tout le corps. C'est-à-dire que votre vieil homme, finalement, va prendre le contrôle de votre tête. Et c'est ainsi que vous devenez donc ce qu'on appelle un maître. Parce qu'un maître, ce n'est pas un titre quelconque. Juste des bâchés, et on vous voit, vous êtes dans des bêtises, on vous voit dans des bésodromes, on vous voit en train de faire des histoires qui ne sont pas conformes, on vous voit en train de mater les gens. Non, ça, c'est pas un maître. Un maître veut dire celui qui a réellement conquis la maîtrise totale de son vieil homme, mais que ce vieil homme est devenu l'homme fondamental qu'il a cherché depuis des incarnations, pas en une seule incarnation. Il y a des gens qui travaillent dessus pendant plusieurs incarnations, voire 100 ans même, plutôt 100 ou 200 incarnations, avant de se parfaire totalement. Donc, vous êtes devenu donc maître. Maintenant, étant devenu maître, ça veut dire que le travail n'est pas fini. Ça ne veut pas dire que vous êtes maintenant parfait à 100%. Il y a encore un travail à faire. Donc, c'est pour cela que l'enseignement d'aujourd'hui s'adresse à la foi et aux néophytes. Comme on dit chez nous, ni manakom. Abandi. Bwekaye. Quand on demande à tout le monde qui est là. Ni manakom dans ma bandi. Bwekaye. Donc cet enseignement s'adresse à tout le monde. Que vous soyez nouveau. Que vous soyez maître dans la matière, dans l'initiation. Il faut maîtriser vos passions. Et ces passions, c'est quoi? C'est tout ce qui sort de votre bouche. C'est tout ce que vos yeux regardent. C'est tout ce que vous avez tendance à vouloir toucher. C'est tout ce qui vous attire par l'odeur. Toutes ces choses, ça fait partie des passions que vous devez maîtriser. Hier matin, je vous ai parlé de la nécessité pour vous de beaucoup contrôler votre sexe. Parce que c'est le triangle inférieur qui, malheureusement, détruit le plus l'humanité tout entière. Le sexe. Vous le savez? C'est le sexe. Et malheureusement, la plupart des soi, des prétendants maîtres, ils le sont, ils patongent dans le sexe. Oubliant que c'est justement ce même sexe qui les détruira. Comment expliquer ce monsieur? Salomon. Ça, c'est loin des spéculations religieuses. Mais j'ai des documents qui me parlent de Salomon, en clair et en net, dans les grandes initiations pré-égyptiennes modernes, c'est-à-dire de l'Égypte antique. Mais ce monsieur, avant qu'il ne chutât, il était l'homme le plus sage de la planète, dira-t-on. Et les documents le confirment. Il était l'homme le plus consulté. Pour ceux qui ne le savent pas, il est noir. Hein? Mais dès qu'il atteignit un certain âge, il perdit. Est-ce qu'on dit en français perdit? Pardonnez-moi. Il n'avait plus la maîtrise des passions. Le palais se retrouva complètement rempli de près de 750 concubines. Mais mon Dieu, ça c'est quelle folie. Et c'est là ce qui explique la chute de cet homme sage. 750 concubines, vous faites quoi? Il y a certaines qui étaient là, certes, peut-être pour lui faire plaisir, mais d'autres, c'est seulement le plaisir des yeux. Et il se faisait bien concubier, hein, je suis convaincu. Parce qu'un seul homme ne peut pas avoir cette force d'avoir les 750 là, à tour de rôle. Je ne sais pas comment il faisait, il s'organisait. Mais bref, c'était justement les passions qui ont détruit le roi Salomon. Son père, le roi David. Le roi David. Il y a une quotation qui est rapportée par Paul quelque part. Pour ceux qui sont chrétiens, allez-y vérifier dans le livre des Actes des Apôtres. Mais dans le livre de apocryphe, comme on dit, hein, que j'ai découvert dans le livre de Monsieur Saint Thomas, celui qu'on avait dit il avait nié Jésus alors que c'est faux, il nous explique la même histoire. Voyez-vous, il nous explique la même histoire. Bref, maîtrisez vos passions. Ces passions, vous voulez tout savoir, l'alcoolisme fait partie des passions. Vous ne pouvez pas prétendre être maître si vous ne maîtrisez pas ce qui rentre et qui sort de votre bouche. Qu'est-ce qui rentre dans votre bouche? Ce sont les alcools. C'est la nourriture. C'est des choses où vous mettez la bouche là, il ne faut pas mettre. Tout ça, ça rentre en vous. Qu'est-ce qui sort de votre bouche? Vous fourrez le nez dans des choses qui ne vous rapportent rien. C'est vrai, il n'est pas interdit d'exprimer son indignation. Il n'est pas interdit d'exprimer sa colère. Mais parfois, ce n'est pas justifié. Parfois, vous parlez par passion. Et c'est le mot passion qui revient. C'est-à-dire, vous êtes emporté. Et vous dites beaucoup de choses qui parfois même n'ont aucun sens. Alors que c'est des choses que vous pouvez dire d'une autre manière. Calmement. Sans nécessairement injurier quelqu'un. Et votre appareil du bas, le triangle du bas. Tout ce qui passe autour de vous, tout ce qui bouge, vous tirez dessus. Et vous vous demandez pourquoi votre vieil homme ne peut pas se réveiller. Et vous vous demandez, malgré tous les pouvoirs que vous avez, moi je connais quelqu'un qui avait les plus grands pouvoirs, les plus grands sorciers de la planète. Il avait les meilleurs marabouts du monde. Il avait les plus hautes grandes magies soufiste de l'Arabie Saoudite, les plus grands sorciers africains. Il avait tous les grands joujoux, comme on le dit chez nous en Afrique, avec lui. Mais il est mort comme un rien du tout. Et vous savez de qui je parle, mais j'ai du respect pour la famille. Donc, c'est pour vous dire quoi? Que lorsque vous avez atteint ce grade de maître, ce n'est pas quelqu'un qui vous le donne, ce sont les dieux. Lorsque les gens même vont commencer à dire vous êtes un maître, faites très, très, très attention. Mais beaucoup n'ont pas ce discernement pour voir que lorsque vous avez atteint ce niveau, mon Dieu, moi, qu'est-ce que je ne vois pas sur ma page Facebook? Des jeunes filles qui m'envoient des cœurs, des jeunes filles qui vont me dire, oh, yayo, mais vraiment, tu es beau, tu es ceci, cela. C'est vrai qu'elles expriment, elles sont libres. D'autres qui me font des demandes en privé. Moi, je suis célibataire, oh, je suis ceci. Qui vous a dit que moi, mon renouvier, je viens ici pour faire ces enseignements-là, pour chercher une femme? Pour vous emmener ça où? Lorsque je suis un homme averti et que je sais que c'est le sexe qui bloque l'élévation de mon âme. L'objectif de tout véritable initié, c'est d'atteindre l'immortalité. Or, ce qui empêche l'immortalité, justement, c'est le manque de l'accoutumance, de la maîtrise des passions terrestres. Lesquelles passions terrestres ne sont autres que les terrestrités humaines. Et ces terrestrités humaines, elles sont nombreuses. Il y a le sexe, c'est-à-dire la femme, qui est une grande distraction pour vous. Si vous n'arrivez pas à vous maîtriser, ce n'est pas pour rien que certains religieux disent que le diable, c'est la femme. Que j'ai du respect pour nos mamans, mais c'est une désignation tout à fait exacte dans le monde métaphysique. L'argent. Mais imaginez-vous ce que les gens font de l'argent, ils s'éternisent au pouvoir parce qu'ils ne veulent pas laisser le pouvoir, parce qu'ils pensent que c'est cet argent. Et l'argent va vous amener à la division des familles, à entraîner des scandales, donner de l'opprobre, de la honte aux nations entières, parce que vous voulez vous accrocher avec l'argent. Voilà des passions terrestres, des terrestres humaines. Les portes d'entrée, ce sont les cinq sens de votre corps. Et les cinq sens que nous avons en nous, je n'ai pas besoin de le rappeler, on nous a appris ça depuis la classe de CM1, parmi lesquels il y a l'odorat, le toucher et le goûter. N'est-ce pas? Mais est-ce que vous maîtrisez vos cinq sens? C'est des choses de base. Mais ça, on approfondit ça dans le monde de la science spirituelle. Le bas de la culotte, vous devez maîtriser cela. Et au-dessus de la culotte, votre tête, les deux têtes en un mot, la tête du bas et la tête du haut, apprenez à maîtriser cela. Parce que votre tête du haut peut penser n'importe quoi. Et vous n'avez pas de filtre dans ce que vous dites, dans ce que vous projetez, dans ce que vous pensez, et dans ce que vous écrivez, et dans ce que vous décriez dans les réseaux sociaux à gauche et à droite. Où se trouve votre tête? Laquelle des têtes est réellement plus importante? Est-ce que vous avez réussi à maîtriser les deux têtes? La tête du bas et la tête du haut. Quand vous voyez la carte de roi, celui qui a créé cette carte de roi, la tête qui est en haut est comme celle qui est en bas. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ça, C'est un enseignement qui vient du peuple hébraïque. Ce sont les Juifs originaux, les Israélites, on les appelle. Ils ont compris cela. Je l'ai expliqué dans un enseignement ici, la notion du nombre 8. Parce que 8, c'est 0 en haut et 0 en bas. Donc, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Notre Père, la prière qui a été prise dans nos archives secrètes de l'Égypte antique, trafiquée, modifiée, christianisée. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donc, votre maîtrise, c'est cela. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je vous permets de poser plus de questions, s'il vous plaît. Donc, apprenez à maîtriser vos passions. Maintenant, qu'est-ce qu'Horus dit ici? Horus, dans ses enseignements, au chapitre 54 du livre secret de l'initiation égyptienne d'Horus, d'Isiris et d'Isis, il est écrit, à la page 682. Il faut donc commencer par faire fonctionner en soi ce qui relève d'un esprit supérieur, d'un esprit d'ordre divin, afin de pouvoir accéder par la suite à la connaissance de tous ces grands mystères. Que quelqu'un comme moi, je viens vous expliquer ici, ces grands mystères qui consistent donc pour vous de vous accoutumer à maîtriser les passions terrestres. Et ces passions terrestres, c'est l'argent, le sexe, la politique, c'est-à-dire le fait de trop parler, fourrer le nez dans des affaires politiques, fourrer le nez dans des choses qui peuvent vous entraîner à la division et à la mésentente. Ne peuvent donc faire usage de ces facultés dont seul l'être humain est doté, entraîne l'extinction de l'étincelle divine et couper du fil d'Ariane que seul guidera l'adepte vers la sortie du labyrinthe initiatique. C'est un langage trop complexe comme notre frère Horus a écrit, mais ça veut dire quoi? Lorsque vous ne faites pas usage de vos facultés spirituelles, lesquelles facultés sont endormies malheureusement à cause parfois soit de l'ignorance ou le manque d'apprentissage, le manque d'application de ces simples principes tels que apprendre à maîtriser le monde onirique qui va vous permettre de pouvoir maîtriser les plans supérieurs et avoir accès à cette sphère, parce qu'il y en a sept. La première sphère, c'est celle, la sphère du royaume des morts. Et la toute dernière, la septième sphère, c'est celle qui vous amène carrément dans le sein des saints des tétans, mon gars, donc, qui n'est même pas à lui-même, mais proche de lui. Bref, je voulais donc expliquer l'usage des facultés dont parle le monsieur ici. Donc, le fil d'Ariane, c'est quoi? Ce fil d'Ariane n'est autre que le filigrane invisible qui vous connecte directement avec les plans supérieurs et invisibles. Et dans le Bouété, ce fil d'Ariane, c'est l'Iboga. Et qu'on ne doit pas gaspiller et profaner et en abuser et utiliser même pour le sexe et mélanger l'iboga avec le vin. Un véritable initié du Bouété ne doit pas être alcoolique, ne devait même pas toucher à l'alcool. C'est clair et net, ne devait pas toucher au sexe des femmes en dehors de la sienne ou celle qui vous est destinée ou celle qui est sur la même longueur d'onde que vous. Là, je parle des choses que je maîtrise, que je connais. Et je discute avec des véritables initiés, des grands gardiens des connaissances secrètes de nos grandes forêts, parce que le Bouété est sorti de la grande forêt du Gabon et du Congo. Donc, ici, Pythagore, je voulais dire Horus, dénonce que tous ces défauts qui sont inhérents à l'animalité humaine, aux terrestrités humaines, ce sont ces défauts-là justement à laquelle l'homme n'est peut-être pas absolument soumis, contrairement aux animaux, puisque l'homme est libre d'utiliser ses facultés et d'utiliser le pouvoir de la volonté afin de contrôler toutes ces choses qui le bombardent au quotidien et chaque jour. Eh bien alors, dans le yoga, on nous parle de la Kundalini, parce que Kundalini, il paraît, moi j'ai fait cette initiation. Kundalini, lui, c'est quoi? Dans la Kundalini, on nous apprend qu'il faut passer par la maîtrise de nos impulsions émotionnelles, passer par la maîtrise de nos impulsions émotionnelles, sensorielles, extrasensorielles, et voir de toutes les tristesses humaines. Donc, nous avons dans le Kundalini Yoga, des exercices de respiration. En dehors de ces exercices de respiration, il y a des exercices de méditation. En dehors de ces exercices de méditation, il y a des ascèses initiatiques, c'est-à-dire qu'il y a des interdits. Il y a certaines choses que vous ne pouvez plus manger. Il y a certaines choses qu'il faut éviter de dire, de faire. Donc, vous rentrez souvent à la fermeture de la conscience terrestre pour vous connecter à la conscience céleste. Si vous me permettez que je m'exprime ainsi. Ça, c'est dans le Kundalini Yoga. Donc, là encore, notre frère Horus vient ici donc joindre sa manière d'expliquer les choses à nos amis hindous. Mais les hindous, c'est au 8e siècle avant Jésus-Christ. Qui ne vous dit pas que l'hindouisme est né des enseignements, n'est-ce pas, de l'Égypte antique? Parce que c'est de là-bas où tout est venu, voyez-vous? Donc, c'est pour cette raison, les grands maîtres donc nous disent quoi? Que lorsque vous rentrez dans la véritable connaissance spirituelle, il faut donc vous accoutumer à vous rendre maître de vos passions et des instincts. Il faut commencer à anéantir en vous les tendances à la gourmandise, la paresse, l'abus du sexe, l'excès de la nourriture, l'excès des alcools, les plaisirs charnels et emportements quelconques, tout ce qui peut, qui ressemble à tout ce que je suis en train de citer selon les enseignements d'Horus, puisque je me suis inspiré non seulement de lui, mais également de mes frères du Bouéthé. Je parle de mes frères pygmées dans la grande forêt, parce que ce sont eux qui sont les grands détenteurs originels de la véritable connaissance du Bouéthé original depuis la nuit des temps. Maintenant donc, c'est cette loi-là que je peux vous dire, la loi de quoi? C'est-à-dire la loi de l'accoutumance à la maîtrise de la vie, que vient souvent la mauvaise interprétation de certains écrits qui ont été pris dans certains livres sacrés. Je crois un certain Jésus qui a dit celui qui ne haïra pas son père et sa mère ne pourra pas accéder au royaume. Et les Grecs, à leur tour, ils ont écrit quelque part que voilà, c'est cela, vous devez tuer votre père et votre mère pour pouvoir aller dans l'au-delà. Tout ça, ce sont de fausses interprétations des enseignements d'Horus, c'est-à-dire fils d'Isis et d'Osiris. Force donc est de vous rappeler ici que seule l'initiation véritable, l'initiation des véritables connaissances à travers la véritable loge, et je répète que la loge veut dire le temple. Donc, dans le véritable temple, ça peut être le temple du Bouéthé original, c'est-à-dire dans nos forêts, ou dans le temple de la véritable connaissance, où vous recevez vos connaissances, ça peut être un ashram hindou, tibétain ou maçonnique, je ne sais pas trop. Cela donc tient ici à comprendre qu'il est de votre rôle de comprendre ces grands mystères-là, parce qu'aujourd'hui c'est un grand mystère que je viens de diffuser au public, apprendre ou encore s'accoutumer à maîtriser vos passions. Parce que cela étant, je vous dis, si vous ne maîtrisez pas, si vous ne comprenez pas cela, vous ne serez qu'un véritable niaquin spirituel. Je vous dis la vérité. L'initié, dans cet état de choses, il n'a plus rien à redouter. Il n'a plus rien à redouter de quoi que ce soit. Parce que si vous réussissez à maîtriser vos passions, alors vous deviendrez un illuminé. Et c'est là où le mot illuminati vient. Illuminé veut dire celui qui atteint l'illumination. Et Bouddha veut dire l'illuminé. C'est celui qui atteint cet état de connexion totale et absolue avec la septième sphère ou la septième dimension, et d'autres appelleraient cela quatrième rayon. Donc, une fois vous êtes dans cet état-là, c'est de là que vous devez maintenant commencer à faire fonctionner en vous ce qui relève d'un esprit supérieur d'ordre divin et d'accéder aux véritables grandes connaissances, de grands mystères. Et puis finalement, vous êtes maintenant en connexion directe avec les grands maîtres invisibles. Vous n'avez plus besoin de déranger un marabout ou qui que ce soit. Vous êtes maintenant à l'écoute des messages des grands maîtres. Donc, pour conclure sur ce, retenez ceci. L'accoutumance à la maîtrise de vos pensées, sauverait votre vie. Mais moi, je dirais, sauvera votre vie. Vous mettrez et vous mettra à l'abri des problèmes. Vous mettra à l'abri de la peur, à l'abri des attaques et à l'abri des emprisonnements inutiles. Parce que très tôt, si vous apprenez à maîtriser votre langue, même s'il y a des choses qui vous énervent, eh bien, il serait mieux de vous taire. Je sais qu'il y aura cette énergie négative qui va bouillonner en vous. Parce qu'en tout un chacun, il y a une énergie positive et il y a une énergie négative. C'est maintenant à vous d'en être responsable de ce bouillonnement de l'énergie négative. Mais cette énergie négative résulte de quoi? Résulte de votre passion sur les choses qui vous énervent. Or, tout véritable initié ne doit point s'énerver. Ah oui, ça fait partie de l'école de la maîtrise de soi. Hein. J'ai appris ça à mon septième degré dans la Rose-Croix à Morque. On m'a appris ça comme ça. Même nos frères de la Rose-Croix, en réalité, ils vous diront au premier préambule, hein, à l'entrée du temple de la Morque, on vous dira, c'est l'école de la maîtrise de la vie. Vous savez ce que ça veut dire, l'école de la maîtrise de la vie? Qu'est-ce que ça veut dire l'école de la maîtrise de la vie? Or, cette école de la maîtrise de la vie passe par l'accoutumance de la maîtrise de vos passions et de vos terrestrités humaines, en tête desquelles je vous ai cité. Laissez tranquille le triangle inférieur. Je ne veux point me fatiguer. Je vais dans des grands temples, en vampire, tout comme à l'état normal, dans les temples de beauté. Je trouve beaucoup de banjis. Elles sont des maîtresses de ce frère initiateur. Qu'est-ce qui ne va pas, mon frère? Tu as une femme. Qu'est-ce que tu as t'aventuré à voir mille et une femme? Est-ce que le beauté t'autorise de faire ce désordre-là? Point d'interrogation. Tu es dans une loge maçonnique. Parce que je vous répète que la loge veut dire le temple. La religion aussi est une loge. Tu es dans une loge religieuse, tu es dans une loge maçonnique, tu es dans une loge amorquienne ou amorcienne ou la Rose-Croix. C'est dans un temple quelconque. Car dans ce temple-là, on vous donne des connaissances, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on vous apprend là-bas? Qu'est-ce qu'on vous apprend? Quand vous sortez, vous oubliez tout. Et vous êtes les premiers à vous en prendre à moi parce que je suis là toujours en train de parler de ça, que vous n'avez pas, vous n'avez pas, vous n'avez pas. Pour me dire que non, lui parle comme ça, est-ce qu'il est l'homme le plus parfait? Je n'ai pas été l'homme le plus parfait de par mon passé. Je connais mon passé, ce fut un passé purement désordonné. Mais je n'étais pas aussi désordonné que d'autres que je connaisse. Mais, il y a près de 32 ans, lorsque j'ai pris conscience de cela, les choses ont bouillonné en moi pour me dire attention, car si tu mènes cette vie, et quand je parle de vie, je n'ai pas tué quelqu'un. Je faisais ce qu'il y avait lieu de faire, comme tout bel homme. Mais les maîtres m'ont sensibilisé pour me dire, tu vas perdre ton immortalité. Nous voyons en toi quelqu'un que nous pouvons utiliser. Mais pour que nous puissions t'utiliser là, si tu ne maîtrises pas ça, ils m'ont donné la liste. Si tu n'abandonnes pas ça, tu mourras très tôt et tu mourras très jeune. Et nous n'allons plus te donner ce privilège de t'accorder une incarnation de chance. Ce qu'on appelle une incarnation de chance, c'est qu'on vous fait revenir et de là, on va vous réouvrir votre conscience cosmique où vous allez avoir le souvenir que vous étiez un initié dans les années 2021 en train de parler depuis Dayton, Ohio, aux États-Unis, à un peuple africain derrière votre petite caméra d'une tablette de Samsung. Le souvenir reviendra. C'est ce qu'on appelle un voyage d'aventure et de rappel. J'en ai terminé. À vous de me poser des questions maintenant. J'ai eu droit à mes 45 minutes. Bon, il y a eu trop de temps dans la musique. Pardonnez-moi. Alors, la parole vous est donnée. Soyez en libre de poser des questions si vous en avez. J'attends vos questions. Battery 100%. Samsung Galaxy S7 Edge connected. Je suis un jeune homme qui se bat pour contrôler ses pulsions sexuelles. J'ai lu sur la transmutation sexuelle, chasteté. Comment vous expliquer? Quelques conseils pour dominer davantage mes envies sexuelles. Pour dominer davantage vos envies sexuelles, soyez occupés. Soyez occupés. Être occupé veut dire... D'abord, il faut identifier qu'est-ce qui amène ces pulsions sexuelles. Parce que il y a plusieurs raisons derrière cela. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais souvent, de l'âge de la puberté à l'âge un peu majeur, il y a pas mal d'exposition. Ça dépend du milieu où vous allez. Et souvent, le sexe opposé peut se servir comme d'appât inconsciemment à vous. Donc, je dis, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut tenir compte. Parce que avant de blâmer l'organe en tant que tel, l'organe, lui, il est en vous. C'est à vous de maîtriser cet organe. Mais il y a des éléments extérieurs qui contribuent à la passion, qui contribuent à vous, en tant qu'être humain, d'être passionné. Parce que la passion, c'est ça, c'est le fait que c'est de laisser vos émotions s'exploser à travers un organe quelconque de votre corps. Pour votre cas, votre organe, c'est celui de la reproduction. Alors, premier conseil, n'osez pas. Parce que je sais qu'aujourd'hui, avec les téléphones, les jeunes ont accès à beaucoup de choses. N'osez plus regarder tout ce qui est pornographique. Et ça s'adresse même aux gens qui sont mariés. Car la pornographie est une liaison inconsciente avec des forces occultes invisibles, les forces que moi j'appelle les miasmes du bas astral. Bon, maintenant, les religieux appellent ça des démons. Qu'ils appellent ça comme ils veulent. Mais nous, dans le monde métaphysique, au cours de mes voyages mystico-spirituels, oui, j'ai vu les âmes désincarnées des prostituées, les âmes désincarnées des femmes qui étaient des expertes dans le sexe quand elles vivaient, mais qui ont été arrachées par un accident brutal. Donc, leurs âmes n'ont pas intégré la première sphère qu'on appelle la sphère du royaume des morts, laquelle sphère vous pouvez accéder lorsque vous allez faire le rite de récupération du chapeau noir au cimetière. Ça, c'est la première sphère. Ça s'appelle la sphère du royaume. Malheureusement, il y a certaines personnes, hommes comme femmes, qui sont morts des accidents brutaux, mais dont les maîtres invisibles ne veulent pas leur donner accès aux différentes sphères. Donc, ces âmes-là, soit pour des raisons d'attachement, des accointances et des relations avec la matière, des choses qui les esclavagisaient. Par exemple, cette dame-là, elle était une prostituée dans la zone de la gare routière dans les années 1975 jusqu'en 1979. Elle était là, prostituée. Okay? Elle était attachée. C'était ça son gain. C'est ce qui lui rapportait de l'argent. Là, je parle de la gare routière au niveau de Libreville au Gabon, naturellement. Ça peut être sur Montaparc, au niveau du Moulin Rouge à Paris. Donc, ces femmes-là s'exhibaient là. Et ça peut être aussi ici à New York City, où j'ai vécu au niveau de la 5e Fifth Avenue on the Manhattan. Voyez-vous, il y a des hommes comme ça. Et ces femmes-là qui étaient là, pardonnez-moi d'être trop long, mais ces esprits-là trouvent des esprits fragilisés. Les esprits fragilisés, c'est qui? C'est des jeunes comme vous qui, vous regardez un film porno, mais automatiquement, il y a une connexion avec cette conscience collective pornographique, mais des prostituées qui vivent dans le monde de reflets, dans le monde de l'au-delà, qui ne vivent malheureusement pas au niveau de la première sphère mystique, mais ils sont dans le monde éthérique. Donc, leurs âmes, ça et là, c'est de 0 km à 5 km de la planète Terre, si vous voulez tout savoir. Donc, les âmes de toutes ces dames-là, qui étaient des prostituées, qui étaient de ceci et cela, ben, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles viendront, sous une forme ou une autre, vous exciter toujours, vous pousser à être esclave de jouer avec votre appareil génital. Ça, c'est un fait. Peut-être scientifiquement, non pas démontré, parce que ce n'est pas facile. Il faut vivre dans le monde de l'invisible et être là-bas pour croire à ce genre de choses. C'est pour cela qu'on nous dit aujourd'hui que les principes immuables, métaphysiques, sont très difficiles à expliquer, à moins que vous ayez un initié qui vraiment est capable de maîtriser les deux plans, qui peut bien expliquer les causes à effet, hein, les méthodes de Descartes, croire à quelque chose uniquement quand il y a une démonstration matérielle efficiente. Donc là, c'est un exemple que je vous ai donné. Et l'autre exemple. Je répète, ça c'est valable pour tout le monde. Ne regardez plus les films porno. C'est très, très dangereux pour votre vie intime Et pour la vie de couple également, car l'histoire des pornos, ça détruit l'efficacité de votre appareil génital chez l'homme, avec l'habitude, parce que vous vous mettez en érection sans raison, vous faites du mal. Ce qui fait que face à la réalité, face à une femme, vous souffrez de ce qu'on appelle soit l'éjaculation précoce ou bien le dysfonctionnement érectile. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Donc, si vous êtes esclave des films porno, arrêtez-moi cela. Et c'est souvent à travers les téléphones qu'il y a accès. Ça, c'est le un. Et de deux, il y a des livres pornographiques. Il faut éviter cela. Et de trois, il faut, au niveau de l'école où vous partez, les femmes, la manière dont elles s'habillent, il y a des éléments extérieurs qui peuvent perturber votre vue. Parce que, souvenez-vous, au cours de l'enseignement, sans un rapport, je parlais des cinq sens de votre corps. Et ce sont des portes et des filtres par lesquels les éléments concourant aux passions et à l'expression émotionnelle de vos passions peuvent tranquillement et facilement vous bombarder. C'est sous couvert de cela. Et donc, il faut maîtriser le troisième aspect, qui est l'aspect visuel, non pas visuel technologique à travers le téléphone, mais visuel, donc, surveiller tout ce que vos yeux regardent. C'est très important. Et il y a certains aliments également. Bon, ça, peu de jeunes savent cela. Les choses que vous mangez, trop de sucre, entraînent également des érections parfois bizarres. Mais là, l'érection n'est pas interdite. Tout homme, y compris votre serviteur, je me mets en érection peut-être 4 ou 5 fois par jour. C'est tout à fait normal, je suis en bonne santé. Mais je maîtrise cela. Le véritable problème n'est pas l'érection. Le véritable problème, c'est la passion exprimée à travers cette érection-là. Donc, coupez vos mains. Et ça, c'est, je crois, l'enseignement qui a été mal interprété par nos frères chrétiens, où Jésus aurait dit dans Matthieu chapitre 5 que si votre main vous empêche de faire quelque chose, il faut couper cette main. Bon. Ici, quand je parle de couper votre main, ça veut dire seulement arrêter d'utiliser vos mains pour pouvoir... machin. Pourquoi? Parce que la main est composée de milliers de tissus et de muscles qui sont mille fois plus puissants que l'appareil génital d'une femme. Donc, souvent... J'ai fait des démonstrations qu'à force d'utiliser trop votre main, donc sous couvert de la masturbation, à long terme, même pendant que vous êtes jeune, vous allez souffrir des éjaculations précoces, vous allez souffrir des dysfonctionnements sexuels, vous allez souffrir des pannes constantes. Pourquoi ? Parce que la force que votre main exerce dessus n'est pas la même force lorsqu'il s'agit face à une femme. Ça, c'est le numéro 4. Maintenant, il y a d'autres techniques également où vous pouvez apprendre à maîtriser votre activité sexuelle, mais ça, je recommande que vous vous rapprochiez auprès d'un initié du véritable yoga qu'on appelle le yoga, pas le Hatha Yoga, mais dans le Pranayama Yoga. C'est le yoga de Kundalini. Donc, ce yoga-là, on va vous apprendre comment contrôler vos pulsions sexuelles et de transformer ces énergies sexuelles. Et je donne un enseignement dans ma chaîne, sur ma page Facebook. Cet enseignement est exposé là-bas. Comment transformer votre énergie sexuelle en énergie spirituelle. Donc, ça là, c'est le quatrième remède le plus efficace. Donc, à chaque fois que vous serez tenté à le faire, il y a des techniques. Mais je ne peux pas le donner ici au public comme ça. Vous risquez de mal interpréter et ça peut vous faire du mal. Ça mérite un enseignement, ça mérite un suivi. Comment vous pouvez transformer votre énergie sexuelle en énergie spirituelle? Bon, la technique que je peux partager avec vous au public, elle est gratuite. Je la balance tout de suite. C'est qu'à chaque fois que vous avez ce désir intense d'avoir des activités sexuelles et que vous vous mettez en érection, automatiquement, respirez trois fois, et vous expirez trois fois, vous verrez qu'il va se refroidir, naturellement. Bon, maintenant, s'il ne se refroidit pas, là, je vais accuser que vous prenez des aphrodisiaques, et vous n'avez pas le droit de prendre des aphrodisiaques avant l'âge de 95 ans, s'il vous plaît. Parce qu'il a été prouvé scientifiquement qu'un homme jusqu'à l'âge de 95 ans, sans qu'il ne souffre pas de stress, qu'il n'a pas de problèmes de bombardement de conneries, ou qu'il ne mange pas n'importe quoi, est capable de se mettre en érection. Mais après 95 ans, ça commence à avoir des conséquences très graves, d'où c'est là où il est recommandé de prendre un peu des adjuvants ou des anabolisants ou des trucs comme des Viagra. Bon, ben, pour votre cas, j'espère que vous ne le prenez pas. Parce que si vous faites les respirations trois fois et que c'est toujours en érect, ça veut dire que vous avez consommé quelque chose qui n'est pas un anabolisant. On appelle ça les anabolisants. Voilà. Et donc, une fois que vous le faites, si c'est toujours là, tendu, eh bien, vous allez maintenant travailler avec le corps mental. Et le corps, dans le corps mental, il y a trois techniques. Il y a la technique de la visualisation et il y a la technique de déplacement de l'énergie vers X ou Y endroit. Bon, voilà. Ce genre de choses, je ne peux malheureusement pas développer ça en plein live, mais si vous étiez face à face avec moi, dans ma maison, ou bien moi avec vous sur place, c'est des trucs que j'ai prévus dans les enseignements pratiques. Et ça fait partie de ce que je compile dans mes livres, mais au cours des séminaires, c'est le genre de choses que je peux bien expliquer. Comment contrôler, comment transformer votre énergie sexuelle en énergie spirituelle, parce que c'est ça là qui doit vous intéresser. Mais quand même, je vous conseille de lire certains livres. Le yoga, Kundalini Yoga. Il y a des livres également intitulés « Comment contrôler son énergie sexuelle en vue de l'utiliser pour d'autres émotions ». Il y a des auteurs qui écrivent ça. Allez-y sur Amazon, s'il vous plaît. Mais j'ai oublié les noms des auteurs parce que ces choses-là, je le fais souvent dans mes conseils. Bon, bref, ça a été trop long. On continue. J'espère que vous avez pris le conseil. Est-ce que le maître Atomori Benga initie au véritable boutique original dont vous parliez au début de votre vidéo, s'il vous plaît? Sinon, qui doit-on contacter pour une véritable initiation? Oh, le maître Atomori Benga, j'ai son numéro de téléphone. C'est un grand frère. Il m'a inspiré même quand j'étais encore au lycée technique. Nous parlons tout le temps. Il a pris un peu de l'âge. Le maître Atomori Benga, lui, il est initié au Bouti, disons, bah, je crois, le Bouti Fan. Donc, comment vous me demandez le Bouti originel? Bon, mais toute personne qui est initiée normalement au Bouti d'Izumba, mais c'est ça le Bouti mère. Quand vous regardez bien la branche de Bouti, on va vous donner une liste de 5 différents Bouti. Mais le Bouti mère, c'est le Bouti d'Izumba, c'est-à-dire à la racine. Hein? Et que ce soit chez les Fans, que ce soit chez les Poubi, que ce soit chez les Tsoro ou les Bapinzi, parce que, en fait, comme je le disais au début de mes propos, ce sont plutôt les Bantous, or les Pinzi, les Tsoro, les Pinzi et les Bakota, ils sont considérés comme des peuples Bantous. Mais maintenant, au-delà de cela, les Babongo, les Simba et autres, ceux-là, par contre, ce sont nos frères qui sont restés dans les grandes forêts et ce sont eux qui sont normalement détenteurs, et précisément les Babongo, par exemple. Ceux-là, ils ont le Bouti original. Je n'ai pas dit que le Bouti, qui sont le Bouti qui est fait dans les villes, là, dans les ambiances à Libreville, à Port-Gentil, partout, que ce n'est pas un vrai Bouti. Mais quand je parle de Bouti original, veut dire que aller à la source auprès des pygmées. Moi, je ne mets pas en doute, je le répète, que M. Atomori Benga, un grand frère que je respecte, je vous dis, je parle avec lui, j'ai même le numéro de sa femme, nous discutons. Hein, il a même sorti des livres, on a des projets même, je ne vais pas en parler sur le public. Lui, il a été initié également dans le Bouti, que ce soit le Bouti Fan. Je ne sais pas s'il a eu une autre initiation quelconque, ça, je ne lui ai pas posé cette question personnelle, mais tout le monde le connaît, le public gabonais le connaît, et même africain. Et je vous signale qu'il a écrit des livres, veuillez vous renseigner, et vous pouvez même aller sur place, si vous êtes au Gabon, vous pouvez demander. Il a écrit des livres. Il m'en a parlé, je crois, de 2 ou 3 qui sont en préparation, qui sont déjà sortis. Puisqu'il m'encourageait même qu'avec autant de connaissances, il n'y aurait pas de problème. Si moi, je pouvais m'associer à lui pour écrire mes livres, il n'y aura pas de problème. Donc, oui, je dirais que lui, il a été initié dans le Bouti. Je ne peux pas dire non. Vous pouvez rentrer en contact avec lui et sûrement, il va vous mettre en connexion avec des personnes qui sont là-dedans. Votre frère fait-il les initiations en France ou au Gabon? Bon, ça, c'est quelqu'un qui connaît bien. Je parlais de mon grand frère qui est professeur d'université. Il fait ses initiations. Et là, je parle sans son autorisation, mais il m'avait dit la dernière fois que la seule chose qu'il se consacre le plus, il est avant tout professeur d'université. Donc, il est très occupé. Mais sa passion en lui, tout comme moi, je suis fonctionnaire, moi. Mais vous voyez, je passe pratiquement plus de jours ici à venir vous parler, à faire des séminaires. Les gens ont comme l'impression que je ne vis que de ceci. Non. C'est parce que c'est ma passion. Tout comme mon grand frère, le Bouti, c'est sa passion. Il est initié dans ça depuis les années 60, combien là? 70 ou 75, si j'ai bon souvenir, j'étais encore à l'école primaire, je me rappelle. Donc, oui, lui, il fait ses initiations au Gabon, à ce que je sache. Il ne m'a jamais dit qu'il fait les initiations en France. Non. Il les fait au Gabon. Bon, maintenant, il y a des gens qui m'ont contacté pour d'autres besoins et il m'a dit non, il faut bien dire aux gens que la seule chose, c'est que je ne veux pas que mon nom soit diffusé à gauche, à droite, que moi, je suis un guérisseur, je suis ceci. Je suis un initié du Bouti, je suis un initiateur du Bouti. Maintenant, oui, il fait ses initiations du Bouti au Gabon. Tout comme en dehors de lui, je connais quelqu'un qui est même ministre jusqu'à ce jour, qui est un grand initiateur également du Bouti. Donc, il y a des gens, malgré leurs occupations professionnelles, ce monsieur, avant d'être ministre, il est fonctionnaire. Donc, c'est une passion pour lui. J'ai aussi un frère qui est médecin au niveau de Libreville, qui est un grand initiateur. Là, je parle du côté de ma mère. J'ai un autre, il vient de prendre sa retraite. Bref, pour répondre à votre question, il fait ses initiations à Libreville, au Gabon, pas en France, sauf si je me trompe. Bon, un initié peut-il être polygame? Bon, il faut bien retenir que un véritable initié, quand il rentre dans les grandes arcanes secrètes, les grandes connaissances, ben, au fur et à mesure que vous rentrez dans vos expériences mystico-spirituelles, il y a certaines choses qui, naturellement, sont rejetés, c'est-à-dire que vos entités, ce que nous appelons dans le bouéte les masiki, ces entités-là ou ces esprits qu'on vous donne lorsque vous avez pris votre bois sacré ou les ancêtres qui travaillent avec vous, ça dépend. Mais souvent, il y a des entités qui n'ont rien à voir avec vos ancêtres. Ces esprits-là peuvent influencer votre vie. Maintenant, et aussi, ne confondons pas le caractère humain. Ne confondons pas le caractère humain qui est inné en vous et l'appartenance à une confrérie spirituelle quelconque. La confrérie en tant que telle, ou encore le bouiti en tant que tel, n'a jamais interdit quelqu'un d'avoir plusieurs femmes. Non, ça, ce n'est pas interdit. Si vous voulez vous marier légalement avec deux, trois, quatre femmes, ça n'engage que vous. La religion n'a rien à voir, la tradition n'a rien à voir. Tout comme les musulmans, ils se sont autorisés à avoir quatre femmes. C'est un décret religieux. Maintenant, est-ce que le bouiti également a un décret en termes de relations? Je crois que à cette question, avec la sagesse et la prudence, je dirais que vous allez tomber chez des nimans, chez des gangas, chacun va donner sa réponse. Mais moi, au niveau où je suis, je peux dire oui ou non, ça dépend. Moi, au niveau où je suis, moi je vous dirais non. Mais aux connaissances, le sommet des connaissances où je suis, je dirais oui. Mais je connais, au sommet de mes connaissances, il vous a autorisé normalement d'avoir trois. Parce qu'il faut former tout le triangle. Pourquoi ce triangle? J'ai déjà donné un enseignement ici. Pourquoi un homme? Merci, merci beaucoup. Bon, on vient de me donner quelques... Pardonnez-moi. Oh là là, je n'ai pas pu me contrôler. Les gens là me parlent. Donc, il n'y a pas d'interdit. On arrête là. Il n'y a pas d'interdit. On avance. Doit-on aussi arrêter le poisson comme la viande? Qui vous a dit ça? Non, non, non, non. Je n'ai pas forcé quelqu'un ici d'arrêter de manger les viandes. Moi, je vous ai seulement fait une suggestion. Mais dans le bouteille, moi, j'ai des frères qui mangent certains poissons. Oui, oui, j'ai dit bien, certains poissons. Et il y a des frères même qui mangent le porc-pic dans le bouteille. Moi, j'ai vu des frères qui mangent certains animaux. Mais vous n'allez pas manger, par exemple, la civette. Vous êtes fous. Enfin, pardonnez-moi, pas à vous, mais en tant qu'initié du bouteille, vous ne pouvez pas manger la civette. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a une grande histoire derrière la civette. Et tout comme vous ne pouvez pas manger la panthère. Moi, j'ai été initié dans les rites Kota. La panthère, Ngoinga Singa, mais mon Dieu, c'est un grand pouvoir. On ne peut pas. Hein? On ne peut pas se permettre. Donc, il y a certains animaux que vous n'êtes pas obligés. Par exemple, moi, j'ai vu chez mes frères Bouété, il y a certains que j'ai vu porter certains éléments qui appartiennent à certaines bêtes. Mais dans le rite Kota, il y a interdiction de porter, par exemple, les dents de la panthère ou bien les dents du lion. Il y a certains rites auxquels j'ai eu accès. Bref, le poisson n'est pas une viande en tant que telle. Le poisson, certes, est dans la catégorie des viandes blanches. Même quand vous allez voir un médecin, on vous dira, le médecin vous dira que non, il faut arrêter les viandes de sang, c'est-à-dire les viandes rouges, ceux qui ont du véritable sang. Mais par contre, le poisson n'est pas une viande rouge. Le poisson est une viande blanche, tout comme le poulet. Je ne peux pas vous dire d'arrêter de manger votre poisson. Si vous arrêtez de manger la viande, c'est tant mieux pour vous, pour votre santé. Parce que c'est l'un des secrets de ma longévité, c'est l'un des secrets de, de la jeunesse qui brille en moi malgré l'âge, car l'âge n'est qu'un nombre. Même si j'ai 100 ans, personne ne le saura. Donc c'est comme ça. Mais le poisson, vous pouvez le manger, il n'y a pas de problème. Et au fur et à mesure, vous arrêterez. Bien. Quel est le maître, à quel stade le sorcier peut purger un fœtus, étant donné que l'âme... Je vous ai déjà dit ça, Émilie, vous suivez mes enseignements depuis longtemps. Je vous avais dit que à partir de la conception de l'enfant dans le ventre de la maman, d'accord, dès que vos règles se sont arrêtées, qu'il y a confirmation par les signes extérieurs qui parlent, notamment les anomalies, l'impact sur le comportement de la maman, elle commence à vomir, elle commence, les premiers signes que vous connaissez, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui est rentré là-bas. À partir de cet instant I, il y a une âme qui est déjà désignée par le Conseil suprême. Je répète qu'il y a déjà une âme qui est désignée par le Conseil suprême. D'accord? Et c'est pour cela qu'il vous faut rentrer en contact. Bon, ce n'est pas toi, maman Émilie, on a à peu près on a le même âge. Toi, tu n'as plus besoin de faire les bébés, mais tu poses une question générale. Donc, c'est pour cela qu'il est exigé que la maman, la jeune fille qui est en grossesse là, doit commencer déjà à consulter des grands initiés pour savoir... pour préparer le nom qu'on va donner à l'enfant. Mais souvent, il y a une technique qu'on donne. Moi, personnellement, je donne cette technique-là. Pendant que la jeune va dormir, pendant les premiers 90 jours, donc pendant les premiers 3 mois, là, elle va rêver quelqu'un qui, peut-être, surtout si vous êtes au pays des Blancs, c'est difficile, mais si c'est en Afrique, elle pourra rêver même quelqu'un dont la personne va donner le nom. Je m'appelle, par exemple, Iganyoma. Iganyoma. Ben, vous gardez le nom, et puis, au retour de ce rêve, vous allez demander aux experts, au papa et aux mamans, mais qui s'appelait Iganyoma? Et votre maman vous dire, oh, mais c'était l'arrière-grand-père de ton père. Oh, mais il était qui, maman? Oh, mais il était ceci, il était cela. Maintenant, là, arrêtez-vous là, n'allez prendre le détail. Vous êtes curieuse, vous dites, mais maman, mais qui était-il? Oh, ma fille, pardon, l'homme là était trop puissant. Gardez la joie en vous, et ce nom-là, écrivez-le quelque part, et cachez-le jusqu'à... Vous allez en discuter avec votre partenaire, votre mari. Voyez-vous? Vous dites ça. Donc, bref, la question est que l'âme est prédisposée, mais l'âme n'est pas encore rentrée dans ce corps. Mais ce n'est qu'à la naissance, j'ai expliqué ça dans un enseignement, hein? Lorsque à la naissance, c'est-à-dire que du premier mois, du premier jour de la grossesse jusqu'au 9e mois, il y a une âme qui est là, comme gardienne, qui attend, prête à rentrer, mais n'est pas encore rentrée dans ce corps. Ce corps est déjà une vie, du point de vue biologique, du point de vue chimique, hein? Du point de vue scientifique, le corps est là. Mais il n'y a pas encore expression de l'être-té. L'expression de l'être se passe uniquement au pousser. Dès que l'enfant sort et que quand le médecin ou l'infirmier commence à bouger l'enfant pour provoquer la rentrée du souffle divin, comme Dieu l'avait fait, après avoir créé l'homme, l'homme était inerte, mais il a fallu qu'il insufflât dans les narines de l'homme le souffle de vie. Et c'est le même phénomène lorsque l'enfant maintenant, le souffle de vie rentre, quand le médecin gifle et tape, et le souffle de vie rentre, donc l'esprit cosmique universel rentre, mais c'est au cours de ce passage-là du souffle que l'âme désincarnée va maintenant s'incarner totalement. Mais l'âme est là depuis. Il faut bien retenir cela. Que cette âme-là est là avec vous comme un ange gardien. Depuis la conception de la grossesse, de l'enfant. Okay? J'espère qu'on s'est compris la ligne. On dit quoi encore? Il vous fait un long discours sur le bouti. À la fin, il vous dit, allez-y faire l'initié dans la forêt. Oh, d'accord, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire. Ce n'est pas moi, je n'ai pas demandé à quelqu'un d'aller se faire initier. Ce sont les gens qui posent des questions. Et moi, j'ai toujours dit aux gens, le bouti n'est pas ma grande spécialité. Il faut comprendre cela. D'accord? Je suis un maître, non pas du bouti. Je suis un initié du bouti, je ne suis pas un initiateur du bouti. Il faut que les gens retiennent cela. D'accord? Je bénéficie de ce privilège-là d'avoir au sein de toutes mes familles beaucoup d'initiés. Mais le bouti, je me suis initié au bouti seulement en 2011. Et je ne le cache pas aux gens. Mais ça ne veut pas dire que depuis le jeune âge, je n'étais pas exposé aux connaissances du bouti. Mon grand-père, Kakamou Ikarbe, Bapinji d'origine, qui était le mouéré de mon grand-père, voulait bien que j'y aille depuis le jeune âge. Mais sur les 26 initiations que j'ai eues, c'est les autres initiations où j'ai atteint le grade de maître. D'accord? C'est dans le rite des ancêtres. Et le bouti n'est pas un rite des ancêtres. Vous verrez des initiés du bouti qui ne savent rien de comment parler et de convoquer les ancêtres et de faire de ce que vous désirez au niveau où je suis. Donc chacun a sa spécialité. Il faudrait que les choses soient claires. Maintenant, la personne qui pose la question sur mon grand frère, parce que mon grand frère était un initiateur du bouti. Atomo Ribenga était un initiateur du bouti. Moi, je ne suis pas un initiateur du bouti. Il faudrait que ce soit clair. Je fais la promotion, parfois, du bouti, et c'est pour cette raison que j'ai créé cette chaîne. Tétan Zambé, le Tout-Puissant, c'était une affaire personnelle comme ça, une vision que j'ai eue, et j'en ai discuté avec les grands mots du bouti. Ils m'ont dit vraiment merci. Sinon, à New York, à côté, ça existe depuis près de 50 ans, il y a un grand temple de bouti créé par des Américains blancs et qui se font des milliards. Je vous dis bien. Au Canada, il existe également, avec la complicité de quelques frères gabonais qui se font de l'argent au nom du bouti. Et c'est ce genre de pratique justement dont je m'insurge parce que je connais le bouti original. Mais je ne peux pas parler en profondeur du bouti car je ne suis pas un initiateur du bouti. Cela doit être clair. Je suis un initié du bouti du Zumba. C'est là où vous allez simplement par curiosité. Et même les gens qui m'ont initié m'ont dit « Mais tu viens chercher quoi? Tu es déjà un grand-mère, tu viens chercher quoi ?» Je dis « Il n'est pas normal en tant que Gabonais, en tant qu'Africain, si je ne dois pas rentrer dans mes véritables arcanes. » Mais en dehors du bouti, j'avais déjà mes initiations auprès de mes grands-parents Kota, du Nzobi Kota. Je ne sais pas si vous le saviez, il y a le Nzobi Kota, le Nzobi de on appelle ça comment? De Nzebi. Il y a le Nzobi Bateke. Je ne sais pas si vous le saviez. Donc, dans la forêt gabonaise, j'ai reçu plus de 15 initiations, mais dont le Bouiti ne faisait pas partie. Le Bouiti, c'est tout récemment. Et ce que j'ai vu dans le Bouiti me permet aujourd'hui, avec l'avantage que j'ai, quand je suis rentré dans les initiations égyptiennes, d'Osiris, d'Isis, et ce que j'ai vu là-bas, j'ai vu beaucoup de choses. Et au cours de ma petite expérience à moi, en 2011, lorsque je n'ai averti personne, ni mes enfants, ni qui que ce soit, en dehors de deux personnes qui m'ont amené là-bas, auprès de ces mecs-là, à Sindara, pour vivre mon expérience du Bouiti. Donc, il faudrait retenir ici, tous, s'il vous plaît, que quand je parle du Bouiti, je ne suis pas un maître du Bouiti. Je suis maître dans d'autres arts. Vous comprenez? D'abord, le titre de maître avait commencé depuis le Gabon, parce que j'enseignais le karaté, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, depuis le lycée technique à Kapo, au niveau de l'amphithéâtre, avec le maître Kouyi, j'ai évolué, et j'ai eu ma ceinture noire, premier, deuxième dan. Et quand je suis arrivé aux États-Unis dans les années 2004, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui et j'enseigne les gens les arts martiaux. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Donc, parfois, ça sème la confusion. Les gens m'appellent maître. Mais bref, du point de vue spirituel, que ce soit dans la Macumba, je suis maître. Dans la rose quoi, j'ai atteint le grade de maître. Dans la franc-maçonnerie, je suis maître. Dans le rite pakistanais, je suis également maître. En Inde, dans la magie cérémoniale indienne, je suis également maître. Je ne vais pas vous citer tout. Les Philippines, le Mexique. Récemment, j'ai fait un déplacement quelque part. En Ouganda, au Rwanda. Et là, en septembre, je suis appelé dans un autre pays africain pour recevoir ma maîtrise. Le Reiki, je viens de recevoir ma maîtrise. J'ai eu mon grade de maître. Donc, je ne suis pas maître du Bouiti, mais je suis un initié du Bouiti. Il faudrait ouvrir cette parenthèse, c'est très important. Mon grand frère est un maître initiateur du Bouiti. Il a son temple à lui. Mais moi, le temple que je détiens, c'est plutôt un autre temple que seuls les grands maîtres invisibles m'ont recommandé d'avoir. J'ai ce temple-là. J'ai ma loge à moi. Le mot loge veut dire temple. Donc, le temple que j'ai, c'est un temple initiatique des grands mystères, mais qui n'ont rien à voir avec le Bouiti. C'est vrai que j'ai mes choses, j'ai mes trucs, j'ai tout ce qu'il me faut, mais je ne suis pas autorisé à initier. Je mange, je consomme le bois sacré, je consomme d'autres feuilles amères, je fais d'autres choses, mais je ne suis pas autorisé à être maître. Discutez-en avec un véritable maître de Bouiti, il vous dira. Ce n'est pas parce qu'un bon matin, vous avez mangé le bois sacré et vous allez vous proclamer maintenant que vous êtes un maître initiateur. Et cette partie me crée un peu de l'ébullition dans mon ventre parce que la plupart de ces frères blancs, là, américains, je discute avec l'un d'entre eux. Ah oui, oui. C'est même, sans vous le cacher, c'est même lui. C'est même l'un d'entre eux qui me donne un peu de l'iboga. Ils ont un temple carrément à New York. Je ne sais pas si vous le saviez. Qui existe depuis des années. Ils initient des gens. Il y a un autre frère blanc qui plante l'iboga avec les règles d'une femme, si vous le saviez peut-être pas. Il utilise les règles des femmes. Donc, vous comprenez donc ici, quand je parle beaucoup de défense, la défense du Bouiti original, j'ai des raisons. Je ne vais pas trop développer. Quand je parle beaucoup du Bouiti original, parce que je suis déçu de la malfaçon et de la mauvaise utilisation de notre rite ancestral ou encore de notre tradition, de notre religion originale. Pardonnez peut-être moi, puisque le fait que j'ai dit Bouiti original, c'est à cause de cela. Le Bouiti original ne recommande pas, vous avez sûrement vu sur les médias, ce monsieur a même une vidéo qui circule sur YouTube, sur Vimeo, partout. Hein? Il a ouvert un grand temple. Et les gens osent le laisser librement s'exercer. Il plante la plante sacrée, l'iboga, avec les règles d'une femme. Mais on a vu ça où? Oui, c'est tout ça. C'est pour cela que j'insiste beaucoup que le Bouiti original, ce n'est pas ça. Le Bouiti original ne fera pas de vous un homme bandit qui va coucher avec les Nima. Le Bouiti original ne va pas vous permettre d'être un bordélique. Le Bouiti original ne doit vous donner la véritable maîtrise de votre être divin qui est en vous. Et ce fil d'Ariane que moi j'appelle fil d'Ariane, mais c'est bien le bois sacré. Le bois sacré, qui a dit que le bois sacré c'est pour aller faire pour faire des souleries? Je vois des maîtres initiateurs de Bouiti qui prennent des alcools. Dans le Bouiti original, c'est faux, ça ne se fait pas. Et je pèse mes mots et je sais pourquoi. Parce que autour de moi, vous ne savez pas. Que ce soit dans le monde invisible, que ce soit dans le monde visible, les frères pygmées qui m'envoient certaines informations, avec qui je discute, avec qui on a des projets, ils m'apprennent beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je dis, je ne suis qu'un élève dans le boîtier, mais je suis initié. Je ne suis pas maître. Il faut que ce soit clair. Je ne suis pas maître dans le boîtier. Bien. Non, c'est pour répondre à Moana, là, qui a dit que oui, mais il fait des discours sur le Bouiti. Encore, il vous demande d'aller se faire initier chez son cousin dans la forêt gabonaise. Non, non, il ne faudrait pas. C'était cette clarification. Bien. Ici, quels sont les outils de mise à jour pour un initié doit mettre son logiciel à jour? Quels sont les outils de mise à jour? Je sais que dans l'un de vos lives, vous avez parlé de la méditation. Existe-t-il d'autres méthodes? Bon, les méthodes de mise à jour. Bon, peut-être vous parlez moi le mot français, pardonnez-moi le français qui devient ma cinquième langue. Moi, je dirais que les outils de mise en condition et de mise en éveil, constance, de rester dans la constance, voilà, si vous voulez. Les outils qui peuvent vous permettre d'être constant dans votre pratique spirituelle. Parce que quand je parle de pratique spirituelle, parce que moi je suis dans 25 loges, dans 25 sociétés secrètes, y compris le Bouti, la Macumba, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie et la magie des Indes, tout ça. Donc, c'est pour cela que je vous ai parlé, que je vous ai fait la proposition de deux formes d'initiation. Je vous parle de l'initiation douce et l'initiation forte. Mais pourquoi je suis venu à cette conclusion? Mais c'est par mes expériences à moi, et j'ai déjà préparé tout ce programme-là. Il est là, tout est prêt. Il y a une équipe qui est prête à mettre en place tous ces livres-là pour bien expliquer ce qu'on appelle l'initiation douce. Hein. Contrairement à ce que certains blancs, frères blancs en France, parce que j'ai vu, il y a un là qui me suit donc depuis 2 ans, il s'est précipité, il a sorti un livre sur l'initiation douce. Je l'ai déjà contacté, je lui ai dit, faites très attention, parce que je retrouve mes propos là-dedans. Tels que pouvoir délégatoire. Je suis le seul à utiliser cette expression. Ils ne savent même pas ce que c'est. Les mots qu'on sort ont un pouvoir, mais les gens ne savent pas. Bref. Revenons sur votre question. Quels sont les outils de maintenance, les outils de constance? Parce que la pratique mystico-spirituelle recommande la constance et la régularité, la discipline. Justement, discipline, constance. Il n'y a pas que la méditation. Mais les mêmes techniques que moi je montre au cours des séminaires. Rentrer, convoquer les génies, parler avec eux de manière méditative, sans la forme traditionnel, conventionnel, à donner la nourriture, les appeler, citer les clans et tout ça, moi je le fais de manière simplement méditative. Mais c'est moi qui j'ai développé ma technologie mystique comme ça. Maintenant, il y a la méditation, c'est vrai. Et encore faut-il savoir qu'il y a 3 formes de méditation. D'accord? Bon, bref, je ne vais pas développer ça parce que sinon le temps ne nous permettrait pas de finir ce chapitre. En dehors de la méditation, je vous ai parlé de quoi? Souvenez-vous, je vous parle également de la bilocation. Il faut beaucoup sortir en vampire. Mais l'expression sortir en vampire en Afrique veut dire il faut beaucoup biloquer, il faut beaucoup voyager dans l'espace et le temps. Quelle que soit l'initiation, vous irez, on vous recommande de souvent volontairement sortir de vous. Car c'est de cette façon que vous pouvez apprendre à maîtriser le phénomène des corps, le phénomène de séparation corps-objet. C'est très important. Vous ne pouvez pas être un maître si vous ne voyagez pas dans d'autres dimensions, si vous n'arrivez pas dans d'autres planètes, consciemment ou inconsciemment. Et surtout, la bilocation par téléportation, qui parfois les gens me voient dans mon quartier appelé Invouan à Isaac. Je ne vous le cache pas, il y a mon neveu qui m'a appelé il y a 2 jours. Mais tu étais ici, tonton? J'ai dit oui, j'y étais. Donc ça s'appelle la bilocation par téléportation. Donc, c'est une bilocation en double. Je suis à la fois avec vous ici et on me voit ailleurs. Mais ça fait partie de la constance. Et ces outils, c'est l'objectif de l'enseignement de ce soir. Pour que vous mainteniez ces outils à jour, justement, il faut associer à cela la discipline. Mais cette discipline, aujourd'hui, je vous ai parlé de l'accoutumance des maîtrises. L'accoutumance de la maîtrise des passions. Parce que c'est ça qui nous tue, l'orgueil, la jalousie, la négligence. On néglige l'autre parce qu'on ne sait pas qui il est. On commence à le sous-estimer. Et ça nous tue en Afrique. Voilà pourquoi je n'ai pas juré. Dieu seul sait si tout ce que j'ai comme projet, je ne vous le cache pas. J'ai des centaines d'Américains qui me soutiennent, qui ne veulent même pas que j'aille faire ce projet en Afrique. Je m'en fous des milliards qu'ils vont avoir. Mais parfois, ça nous contraint de le faire parce que notre frère, notre propre frère africain ne veut pas le bien de son frère. Pendant 40 ans, j'ai gardé le silence. Quand je parle de 40 ans, c'est-à-dire que depuis le lycée technique, ceux qui m'ont connu, quand j'étais même à l'école primaire à Omboué, les gens ont vu. Et je ne parlais point. C'est seulement en arrivant aux États-Unis que j'ai commencé à parler depuis 2008, à travers le Caribbean African Network, où j'expose les véritables arcanes secrètes. Non pas du Bouété, je parle du Bouété uniquement ici, parce que je sais que la majorité des gens qui me suivent sont des Gabonais. Je vous avais dit, je ne fais pas la promotion du Bouété, parce que je suis dessus du comportement de mes frères d'initié du Bouété. Mais aujourd'hui, si je commence à être passionné un peu à ça, c'est à cause de mes frères pygmées. Et toutes les chansons que vous écoutez là, la plupart, beaucoup, ce sont eux. Là, je vous parle, ils viennent de me télécharger encore près de 12, qui sont joués dans la forêt même. Si vous recevez le début de la vidéo, le monsieur qui parle, c'est l'un des frères, pygmées. Parce qu'ils se sont dit, non, grand frère, c'est pas possible. Nous apprécions le message que tu balances parce qu'on est dessus de l'utilité. On est dessus de la manière. Bon, bref, pardonnez-moi, je suis allé un peu trop loin. Oui. Les outils, donc, en dehors de la méditation, disais-je, il faut faire d'autres choses. Il n'y a pas que la méditation, je vous ai dit. Il faut constamment sortir en vampire. Sortir en vampire veut dire sortir de votre corps physique. Parce que c'est de cette façon que vous pouvez être convaincu que vous êtes une divinité. Au commencement, vous étiez un esprit et vous êtes esprit. Et la personne qui s'exprime ici, ce n'est pas Mouerion ou bien, M. Vandelé ou bien, en chair et en os. Mais c'est Vandelé ou bien, mon arrière-grand-père, incarné dans ce corps. Et en plus, amplifié par tous les pouvoirs mystico-spirituels, que ce soit de l'Inde, du Gabon, du Brésil ou du Mexique et des États-Unis d'Amérique à travers les Amérindiens, dans les eaux profondes de la vallée de l'Ohio. C'est cet esprit-là qui parle. Parce que seul l'esprit qui est capable d'avoir autant de maîtrise et de connaissances absolues et de transcender même les fusils nocturnes, les fusils réels, ou encore de détruire et de construire, et d'avoir la maîtrise du bien et du mal. Donc, deux éléments que je vous ai donnés. Troisième élément, mettez la lettre D, la discipline, car le mot discipline est varié. Et dans cette variation, vous avez ce que je venais de parler ce soir, les passions. Quelles sont vos passions? Moi, ma passion, en dehors de venir vous parler ici, j'ai la musique, j'ai mes arts martiaux, où je ne cesse de me battre, parce que tout à l'heure, dès que j'ai fini avec vous, exactement à 18h15, je m'assure que là, dans les 30 minutes, j'ai fini avec vous. Je m'en vais, on m'attend là au dojo. Chez des dojos voisins, là, des Muay Thai, on appelle ça des Muay Thai. C'est une forme d'art martial thaïlandais. Voilà mes passions. Et beaucoup de gens qui m'ont vu grandir depuis les années 74, ils savent que c'est l'une de mes passions, donc les arts martiaux. J'aime tout ce qui est artistique, j'aime tout ce qui est art. Les arts mystiques, les arts magiques, les arts. Donc chacun a un don précis. Mais une fois de plus, mon petit frère là qui m'a posé la question que non, sur l'affaire du Bouti, je ne suis pas un maître du Bouti, mais je lutte pour préserver le Bouti original. Et j'encourage tous les jeunes d'aujourd'hui d'aller se faire initier dans nos forêts. Allez-y. Vous verrez la différence. Et que ce n'est pas le Bouti, on ne s'initie pas en 2 semaines. Ce n'est pas en 2 mois. Ce n'est pas en 1 an. C'est faux. Il faut passer par l'école de la connaissance. Et Pythagore en parle. Dans l'un de ses écrits, effectivement, il parlait presque le Bouti. Parce qu'il faisait allusion à des peuples très petits détails. Mais il faisait allusion aux pygmées. Pythagore en parle, hein. Pourquoi toujours respecter la pratique qui concerne conduire un cadavre les pieds devant? Bon, c'est une pratique traditionnelle. On ne peut pas développer ça dans un live. Il faut, comment dirais-je, il faut parler avec les vieux, ils vont vous expliquer. C'est une tradition qui date. Il n'y a pas que ça marque au Gabon, il n'y a pas qu'en Afrique. Même les Blancs observent cela. Ça, là, je ne peux pas développer. Je ne veux pas, voulais-je dire. Bien. Toi là, moi, Nakosongo, tu me demandes quand est-ce que je vais créer mes propres initiations. Mais viens me visiter aux États-Unis, tu vas venir voir les milliers des pages que j'ai déjà écrites, puisque c'est ce que vous voulez, que je dois écrire. C'est là. Si tu es au Gabon, mais arrange-toi là, parle avec les gens du gouvernement là pour me laisser un peu tranquille, pour me libérer. J'ai déjà eu un grand terrain que mes frères Pygmé m'ont donné. À Mimongo, on m'a donné un terrain. À Ibundji, on m'a donné un terrain. À Sindara, là où j'étais allé manger mon bois sacré, il y a un autre terrain. À Lambaréné, dans la zone de le village qu'on appelait, c'est pas Azilé, je sais que j'ai un terrain là-bas également, qui a été laissé par mon grand-père Kakamouika. Biwenye, voilà. À Biwenye également, on m'a donné un terrain. Un frère du Bouti, j'étais surpris. Donc, monsieur Moana Kassongo, là, alors, mes propres initiations, mais il faut m'inviter, justement, il faut aller convaincre les gouvernements là, que les gouvernants là, que non, monsieur Onouvier veut venir créer quelque chose de beau pour le pays et pour toute l'Afrique et du monde, d'ailleurs, puisque les Américains également sont contents de ce projet. Alors, avez-vous un contact pour faire initiation auprès des grands initiateurs dans la forêt? Oui, il y a les contacts, oui, bien sûr, mais les gens sont là, ils vous attendent, ils vous attendent. Mais moi, je ne donne pas les contacts des gens n'importe comment, parce que ici, les gens aiment trop la tchatch. C'est la même question qu'on me pose depuis des années, mais rien. Et puis, je vous informe que ce n'est pas en un mois ou en deux semaines, pardon, en deux semaines, vous allez dire, oui, moi, c'est ma reine, hein, manger mon bois sacré. Mais vous partez manger le bois sacré, pourquoi? Pourquoi vous allez vous faire initier? Ça, c'est la question que vous devez d'abord vous poser. Et puis, on doit d'abord discuter, vous et moi. Parce que moi, je ne vais pas vous envoyer dans les grandes forêts ou bien vous envoyer auprès de mes frères. Bon, pas forcément dans les grandes forêts auprès des Pygmées. Il y a les frères Pindji, les frères Mitsoro. Moi-même, j'ai mes propres frères et cousins. Dingumba, qui est là. Mueka, qui sont là, ils vivent encore. Qui sont des Bapindji, qui peuvent bien vous initier. Mais il faut d'abord que vous discutiez avec moi. Mais vous voulez vous initier, pourquoi? Parce que beaucoup, là, que je vois les jeunes, surtout les jeunes, ouais, parce qu'on est dans les loges, là, on cherche les pouvoirs, ouais. Moi, je suis allé, j'ai franchi tous les degrés des loges, ici, aux États-Unis, là. En 1999, j'ai eu mon initiation. Trois ans plus tard, mais au grade des maîtres. Mais j'ai vu beaucoup de jeunes qui rentrent là-dedans. Ils cherchent le prestige, les pouvoirs. Mais moi, je ne suis plus à ce niveau, je vous le dis. Je n'ai même plus besoin des pouvoirs des égrégores. Je n'en ai pas besoin, moi. Parce que le pouvoir, je vous avais expliqué la dernière fois, il y en a trois. Bon, bref, maman, pour répondre à ta question, oui, il y a les contacts. Mais j'ai dit, avant de vous donner ces contacts, il faudra d'abord que j'ai un entretien avec vous pour vous demander pourquoi vous allez vous faire initier. Il faudrait que j'ai la réponse fondamentale de cette question. C'est vrai qu'il y a un enseignement qui est disponible ici où j'explique, en fait, quelle est la raison pour laquelle réellement vous voulez aller vous faire initier. Bon, là, vous me parlez de l'initiation forte. Hein, parce que la plupart là qui me contactent, c'est souvent les initiations fortes. Mais ici, au pays des Blancs, la majorité, ils veulent les initiations douces. Et il y en a beaucoup que j'ai déjà programmées pour ces gens d'initiations douces. Ce sont mes propres pèlerinages, mes propres recherches, mes propres machins que j'ai mis en place. Et il y a des techniques, c'est le mélange du yoga, du tai chi, du wuntang, qui sont des voies mystiques, des arts martiaux chinois, des arts martiaux internes, avec le yoga tibétain, le yoga qu'on appelle ça indien, et plus la macumba, et plus certaines pratiques que j'ai prises également dans le vaudou béninois où j'ai été initié par le vieux Meyeshran, et d'autres pratiques que j'ai volées également dans la... Pas volées, que j'ai eu l'autorisation auprès de la confrérie du roi Makoko, et dont j'ai des contacts directs avec les prêtres du roi Makoko et de sa propre famille. Donc ça, c'est des techniques que moi-même j'ai formées comme ça. Et puis j'ai formé les rites, qu'on appelle le rite de l'initiation douce. Mais soyez-en rassurés que même chez le roi Makoko, il y a des rites, notamment des rites de l'initiation forte, puisque le roi Makoko, pour ceux qui ne le savent pas, il était un grand maître de, comment on appelle ça, du Njobi. Je ne sais pas si vous le saviez, que le Njobi n'était pas forcément une propriété des Teke. Là encore, ça va en créer des débats, pardon, je ne vais pas trop parler ici, là, parce qu'il y aura encore quelqu'un qui viendra me dire, oui, il vient faire des discours sur des choses qu'il ne connaît pas. Je préfère me taire, mais je vous dis, ne sous-estimez pas les gens, parce que dans cette affaire, jour et nuit, vous ne savez pas ce que je fais. Je ne dors même pas. Alors, je vous parle. Vous ne savez même pas quand je dors ou je me réveille. Donc, bref, on parlera. Maître, comment décalciner la glande pinéale en vue d'ouvrir le troisième œil? Vous posez des questions très techniques, très théoriques. Quand vous parlez de la décalcination, il s'agit de l'éveil des Kundalini. Il s'agit du yoga. Parce que pour l'éveil du troisième œil, voilà encore une fois un plus, un langage. Vous voyez, chaque initié va utiliser, dans les livres, vous allez voir, au troisième œil. Mais est-ce qu'on vous explique ce qu'on appelle troisième œil? Mais le troisième œil, c'est quoi? Suivez encore. Est-ce que vous êtes abonné chez moi? Si vous n'êtes pas abonné, j'ai plein de vidéos où j'explique ce qu'on appelle le troisième œil. Le troisième œil en science. On appelle ça l'épiphyse. L'épiphyse se trouve ici, au centre des deux yeux, non loin de la ventricule. Entre la troisième ventricule, on appelle ça l'hypothalamus et le thalamus. Donc, entre le sens d'enregistrement des sensations qui vous permet de vous connecter à travers les neurones, donc par système neuronique, pour se connecter avec le monde environnement direct et indirect, sous couvert de cinq sens. Et, par contre, l'épiphyse, c'est un organe très invisible, caché, et c'est une paroi, un endroit très inaccessible, même par les scientifiques, car ils appellent ça la zone d'onde inconnue. Eh bien, les initiés ont identifié cette épiphyse, là, le siège de votre âme, ce que vous appelez âme. Ça se trouve là. Parce que Tetemwanga nous dit, quand Dieu créa l'homme, il insuffla dans ses narines le souffle de vie. Il insuffle. Mais là, le souffle rentre par-ci, ça sort ou ça se retrouve ici, à votre fameux troisième œil. Mais ce troisième œil, c'est votre âme. Donc, comment mettre en éveil votre esprit divin? Comment mettre en éveil, ou encore comment éveiller votre divinité qui est endormie en vous? Parce que cette divinité est bel et bien là. Le vieil homme. Le vieil homme! Pas selon le langage des chrétiens. Je ne fais pas la guerre aux chrétiens, mes frères. Je suis un ancien pasteur. Je suis un ancien témoin de Jéhovah à plein temps, missionnaire. On devait m'envoyer à Galade, à l'école où on forme les grands missionnaires des témoins de Jéhovah, aller faire des lavages de cerveau aux gens à travers le monde entier. Mais aujourd'hui, j'ai compris que la religion du blanc, elle est venue juste pour nous manipuler, pour venir nous détruire et nous désintellectualiser, c'est-à-dire enlever notre intellect africain. Et le véritable intellect africain, c'est l'intellect qui est à l'origine de la construction de la race humaine. Et le premier homme qui a été créé par Dieu est bel et bien noir. Et c'est le noir qui est l'auteur de toutes les sciences et de tout. Mais aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, embrigadée dans des programmations des blancs et de l'intellect du blanc, aujourd'hui ne peut plus évoluer, il n'avance plus au nom de Jésus, au nom de ceci et des diables que les blancs ont créés pour venir nous embrigader et empêcher l'évolution et l'éveil de notre esprit. Car notre esprit est embrigadé dans des programmations. Et ce sont ces programmations sous couvert des universités. Moi-même, j'en ai fréquenté. Mais du revers de la main, je rejette tout ce qui n'est pas bon. D'où l'esprit syncrétique. On avance. Merci beaucoup. D'accord. Est-ce que le fait d'accumuler les initiations n'est pas dangereux pour vous? Je ne sais pas qui vous a dit cela. J'ai un autre enseignement où je parle du danger des mélanges de mélanges. Pour répondre donc à votre question, le danger réside du fait que vous pratiquez tout à la fois. Vous allez créer une indigestion intellectuelle, une indigestion mystico-spirituelle. Même vos entités vont se mettre en colère. Et moi, ce que je fais, je suis arrivé au niveau où je suis un dieu. Est-ce que vous êtes devenu dieu? Quand vous allez devenir dieu, vous verrez que toutes les initiations ne vous empêcheront point. Mais si vous êtes qu'un petit intellectuel, et c'est ça le danger. Lorsque vous rentrez dans la recherche de l'éveil de soi avec l'intellect, vous n'avancerez point. Car l'esprit, je voulais dire, le discours détruit l'élévation. Ce n'est pas moi qui parle, je ne sais pas quelle est cette entité qui me le dit. L'esprit, je voulais dire, le discours, les paroles, les livres, les écrits détruisent l'éveil de votre conscience. Le mélange des mélanges, où est le danger? Lorsque vous n'avez aucune expérience, lorsque vous n'êtes pas encore conscient de votre incarnation, vous ne savez même pas où vous étiez, quel est votre degré d'incarnation consciente? Je suis, je le répète tous les jours, je suis à mon troisième degré, c'est-à-dire que à ma troisième incarnation consciente sur les grands mystères. Il y a de cela 184 ans, je ne sais pas combien de fois je vais le répéter. Ça veut dire que j'ai un poids magique, j'ai un poids initiatique, j'ai un poids sorcier qui ne peut pas être comparé à qui que ce soit. L'un de mes fils me dit, papa, je suis prêt. Mais il ne peut pas avoir le même poids que moi. Je n'ai même pas formé mon enfant, je vous informe. J'étais surpris de sa manière de se comporter, de parler. Je ne sais pas si je suis maintenant une incarnation par téléportation dans le corps de mon fils, le pauvre. Il est étonné, papa, je ne sais pas, c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive? Je vais maintenant former des groupes. J'ai reçu un appel comme ça. Ça existe. Que mon fils se rassure, parce que lui, il ne suit même pas mes lives. Il est même sorti des forums, je ne sais pas pourquoi. Il est là-bas dans son coin, il évolue en solo. Bravo pour mon fils. Donc, le mélange des mélanges, le danger se trouve où? Vous rentrez dans la franc-maçonnerie, vous pratiquez. Vous prenez dans le boutique, vous pratiquez. Vous prenez dans la Rose-Croix, vous pratiquez. Vous partez à l'OSMI, vous pratiquez. Vous partez à Alpha International, vous pratiquez. Vous partez dans la Macumba Bingo, vous pratiquez. Vous partez dans le Vaudou béninois, vous pratiquez. Et là, je vous cite hein, les milieux où moi j'ai été initié. Et je vais continuer, la liste est longue. Jusqu'en Chine, j'ai été initié dans une technique qu'on appelle la technique de Dimmak, la voie mystique martiale interne des Chinois. Là, c'est là où il y a le danger. Moi, je suis rentré dans les voies martiales chinoises, le Wuntang et le Tai Chi, Quan. Ce n'est pas pour aller pratiquer tout et tout pratiquer dans ma vie. Non, j'ai pris ce qui est bon et j'ai gardé. Dans la franc-maçonnerie, je suis rentré, je ne vous le cache pas. On a la fraternité. Je ne veux pas rentrer en détail. Vous savez ce qu'on appelle la fraternité dans les loges maçonniques. Je ne parle pas de la loge du Gabon, je ne suis pas là dans leurs histoires là-bas. J'ai été introduit là-bas par mon grand-père, je connais toute l'histoire, mais réellement et sincèrement, j'ai pratiqué étant ici. De 1999 jusqu'à ce jour, je suis rentré là-dedans. J'ai atteint le grade de maître. Je connais les bénéfices. Mais est-ce que ça veut dire que j'accepte tout ce qui se passe? Non. Puisqu'on m'a même proposé de rentrer dans l'Illuminati, j'ai dit niet. On m'a fait des propositions de rentrer dans certains milieux pour avoir accès vite au grand pouvoir et qu'on pourrait me nominer sans avoir même de diplôme. J'ai dit niet. Ouais. À la rose quoi. Je n'ai pas dit que tout ce qui est dedans est bon. Il y a eu des erreurs même que j'ai moi-même rectifié quand je suis allé dans la rose quoi. Hein? Est-ce que ça veut dire que je suis mieux que les rosicruciens qui sont là depuis longtemps, depuis M. Lewis qui a amené la rose quoi ici aux États-Unis au 19e siècle? Je n'ai pas dit que je suis meilleur qu'eux. Mais j'ai dit tout simplement que pour mon évolution, car mon objectif final, c'est d'atteindre l'immortalité. Et quand moi je vais atteindre l'immortalité, je ne peux point pratiquer des choses qui me créent une diarrhée indigeste intellectuelle et mystico-spirituelle. Car cela peut m'empêcher ou peut me créer du tort à mon âme. Donc, toutes ces initiations que moi j'ai reçues, 26, je le répète, et là encore, en septembre, je vous le dis, j'irai encore. Je peux même avoir jusqu'à 100. Parce que mon degré à moi ne peut pas être comparé à quelqu'un d'autre. Vous ai-je dit, si vous êtes nouveau, avez-vous suivi mes vidéos où je vous ai dit que j'ai effroyé la folie? J'ai été giflé par certaines entités de la cabale noire. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle la cabale noire. C'est la haute cabale magique très puissante où on vous montre comment bousculer les entités de l'au-delà. Pas les entités de nos ancêtres. Hein, parce que moi, mes ancêtres, là, je les engueule et ils se soumettent. Je leur dis ce que je désire et ils m'écoutent. Mais vous ne pouvez pas faire la même chose avec les entités qu'on appelle les archanges, les chérubins, et des principautés, ou encore cette entité qui commande toute la planète Terre, qui est au-dessus, et la lettre commence par S. Ce n'est pas Satan. Les vrais initiés de la Kabbale le connaissent. Son nom commence par S. Je l'ai bousculé, moi. Mais avec les risques que cela entraîne. En 1993-94, j'ai effleuré la folie. Nul était la partenaire que j'avais. Makang, une fille vilie. Donc c'est pour vous dire. J'ai effleuré aussi les risques. Voilà pourquoi, depuis cette année, donc 1994, je marche avec le syncrétisme. Suivez bien mes enseignements et j'en parle tous les jours. Personne ne vous demande, moi, Morion, je ne vous demande pas de vous faire initier dans 1001 initiations. Oh. Ça, ça n'engageait qu'au moins. Oh. J'ai un poids, on n'a pas le même poids mystique. On n'a pas le même poids spirituel. D'accord? Le poids où je suis là, je suis autorisé à tuer. Oui, je le dis. Et je ne le cache pas. J'en ai déjà tué plusieurs, que ce soit au Gabon, que ce soit ailleurs. Je vous parle tuer mystiquement et même physiquement avec l'arme. Ça ne me fait plus peur. Parce que la véritable magie, on n'est pas peureux. Et vous devez tuer, faire le mal, c'est quand ce mal a une justification. C'est-à-dire le mal que vous faites est bien justifié afin d'entraîner l'équilibre du bien et du mal. Parce que vous êtes le maître du libre arbitre de décider de ce qui est bon et ce qui est mauvais. Voilà pourquoi je suis rentré dans toutes ces initiations-là. Et je sais ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et je retiens ce qui est bon et c'est ce que je viens partager avec vous. Je ne pourrais jamais. Les gens m'ont emmerdé à chaque fois pour l'histoire des portefeuilles magiques. Je vous ai dit que moi, j'en avais des portefeuilles magiques. Je vous l'ai dit. Au lycée technique, beaucoup de gens ne savaient pas. Je n'avais pas des parents qui m'envoyaient de l'argent. Mon père était au Congo, ma mère, la pauvre, disparue. Je ne l'avais même pas revue depuis la naissance. Mais j'avais quoi? J'avais un portefeuille magique que quelqu'un, que je cite le nom, pas, que je garde le nom par discrétion, à Ombré m'avait montré, aller invoquer les génies de la mer pour me donner mon portefeuille magique. Il m'a donné 500 000 tous les vendredis. 350, 500 000. Tous les vendredis, j'avais l'argent. Mais aujourd'hui, pourquoi je dis aux gens non? Mais justement, c'est pour vous dire que vous pouvez vous initier. Moi, j'étais initié dans la magie. La dernière fois, je vous ai exhibé le diplôme. Ils m'ont réintégré comme représentant unique mondial. C'est-à-dire les gens, les grands quelqu'un, les présidents ou les ministres, parce que les articles coûtent entre 5 jusqu'à 50 millions pour avoir le pouvoir, pour faire ceci, cela. Et je leur donne toutes les conséquences. Le nombre de personnes qu'il faut tuer et faire verser le sang. Et ça n'engage que eux. Voilà. Voilà le niveau où je suis. Je suis un dieu, moi. Dieu, que vous dites Dieu, Dieu. N'est-ce pas? Il a tué les gens pour sauver le monde, non? À travers un certain Jésus, disent les chrétiens. Donc, c'est pour vous dire quoi? La multitude des initiations que vous recevez, lorsque vous êtes un véritable maître, vous savez ce qui a rejeté et ce que vous devez prendre de bon pour aider les générations futures. Voilà. Je le fais pour aider les générations. Et aussi pour ma curiosité intellectuelle. D'accord? Pour ma curiosité intellectuelle. Le rite que j'ai fait, le rite, comment calmer la colère, comment négocier, comment se réconcilier avec votre femme de nuit ou mari de nuit, comment distinguer la différence entre succube et incube et la femme et le mari de nuit, comment savoir que l'un est le démon et l'autre c'est l'ange, la maîtrise de quatre démons toutes les 20 minutes et quatre anges toutes les 20 minutes, toutes ces histoires-là. Si je ne me serais pas initié dans la haute magie du vaudou béninois et dans la haute magie de la cabale juive, comment j'allais savoir toutes ces choses? Mais aujourd'hui, je la maîtrise. Donc, on n'a pas le même poids, je le répète. Le danger existe lorsque vous voulez pratiquer tout à la fois. Et je crois que la réponse est celle-là. Lorsque vous voulez pratiquer tout à la fois, vous aurez une diarrhée indigeste, intellectuelle et mystique. On avance. Vous avez quelqu'un que vous voulez enterrer, Brice, qui me pose la question vers quel point le cardinal mettre la tête. Cette question-là, je ne veux pas vous donner la réponse parce que ça dépend des traditions. Maître, l'initiation douce, là, prend combien de temps? Voilà, je m'y attendais à cette question, justement. Mais j'ai déjà développé cela dans un autre enseignement. L'initiation douce, le danger avec ça, c'est quoi? Ça prend trop du temps. La première année, il faut 5 ans. Kasongo, toi qui m'as posé la question, comme toi, toutes tes initiations, là, tu vas venir les mettre quand? Ben maintenant, je commence à vous dévoiler l'un des piliers. 5 ans, pendant 5 ans, vous gardez le silence total. Le maître parle, vous recevez seulement les enseignements. Et après ça, 5 ans encore, vous passez à la période de la purification. Et qu'est-ce que c'est la purification? Donc, l'initiation douce, ça prend beaucoup de temps. Le yoga qu'on appelle pranayama yoga, là où je suis vraiment maître, oui, j'ai été en Inde pour ça. Et je pratique ça tous les jours. Pour ceux qui m'ont vu mes vidéos que je fais, c'est toujours yoga, yoga, yoga, yoga. Ça, c'est l'un des piliers que j'ai. Mais ne jamais dire à son adversaire, et même à son propre disciple qui finira par te tuer un jour, de donner tes secrets. Je suis dans 26 initiations, mais vous ne savez pas à quelle loge je suis le maître véritable. Vous ne savez pas dans quel milieu où je peux tranquillement vous tuer, vous manger, pardonnez-moi l'expression manger, mais où je peux mieux contrôler le monde. Vous ne savez pas, et je ne le dirai jamais. Que ce soit le boutique, que ce soit la loge, que ce soit la macumba, que ce soit les magies cérémoniales indiennes, que ce soit les magies d'Orient, donc du Pakistan, que ce soit le cercle mystique de Jean le Baptiste, où j'ai reçu le rite également, qui se trouve en Iran, que ce soit, bref, tout cet ensemble, je ne veux pas vous dire lequel. Un vrai maître ne vous dira jamais là où il est caché, et vous ne le saurez jamais, jusqu'à ce que je quitte ce monde. Même mon fils, qui est prêt à prendre la relève, il ne saura jamais. Donc, l'initiation douce, ça prend beaucoup de temps. Mais la bonne chose avec, ça prend beaucoup de temps et puis c'est très contraignant. Vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas toucher la femme, vous ne devez pas toucher les hommes, vous ne devez pas parler, vous ne devez pas machin, machin. Voilà pourquoi j'avais amené, vous constatez que de dimanche jusqu'à lundi, mardi, vous pouvez laisser vos messages, vous pouvez crier. Et là, je tiens justement à faire la communication. Évitez d'insister. dès demain dimanche, lundi et mardi, de me, bon, pas déranger, de m'appeler. Je ne vous répondrai pas. Vous allez écrire, mon fils va répondre. L'un de mes fils, parce qu'il y a un qui est avec moi ici aux États-Unis, il va vous répondre. Mais, s'il vous plaît, n'insistez pas. Il y a certaines personnes avec qui j'ai pris rendez-vous parce qu'ils ont donné beaucoup de sous, des millions. Avec eux, on a des travaux demain. Là, je suis obligé de brûler la consigne. Parce que le monsieur, il a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et je ne veux pas que ma crédibilité se gaspille. Je lui ai donné rendez-vous pour aujourd'hui, il m'a dit non, ce n'est pas possible. Parce qu'il travaille, il est occupé. C'est un homme d'affaires. Donc, demain, il m'a dit vraiment, pardonnez-moi, faites une exception. J'ai déjà parlé à mes entités, ils ont compris. Ça veut dire que 50% de cet argent-là, ça va être jeté auprès des entités, que ce soit dans la mer, que ce soit sous le sol, que ce soit en l'air, aller donner aux pauvres, partout, tous les millions-là. Pourquoi? Parce que je n'ai pas respecté cette règle, je ne veux pas la respecter demain. Donc, ça, c'est une exception. Donc, ne m'appelez pas, ne me dérangez. Oh, le mot revient encore. Ne m'appelez pas les dimanches, les lundis et les mardis. Mes parents, ma famille, tout le monde, mes enfants, ils savent, quel que soit le jour, même s'il y a quelqu'un qui est mort, ils ne m'appellent pas. Vous avez compris, hein, c'est clair. Et de deux, je suis à Monana, là encore ça va, il se présente qu'il est à Monana parce que ça va me permettre de sortir à Vampire et aller voir quelle est cette petite jeune femme-là qui me dérange depuis Monana, qui ne peut pas me donner son nom. Mais il y a des gens, oh, moi, ça fait déjà 13 ans, ça ne va pas vraiment ma vie. Mon oncle, quand il était mort, on l'avait enterré, la tête en bas, les pieds en haut. Mais il y a un serpent noir que j'ai rêvé avant-hier, le serpent me poursuivait. Et pendant qu'il me poursuivait, je regardais derrière, je regardais, mais de là-bas à côté, je suis tombé dans la gueule d'un crocodile maître. Vraiment, c'est compliqué, mon problème, je ne sais pas comment faire. Et après, tout un discours, mon Dieu, de 2-3 pages. 3 points que je veux relever sur ce genre de correspondance. Premier point, présentez-vous, c'est la moindre des choses. Et vous vous demandez pourquoi vous venez ici là avoir des faces de colère devant moi quand je fais mon live, on me met, je tente de vous contacter. Mais vous ne vous présentez pas. Et je ne veux pas que vous veniez vous présenter avec les petits noms de oh, je suis le crocodile en colère, je suis le Gabonais fâché, je suis la petite princesse dédommagée. Mais vous n'avez même pas des noms de qu'on appelle ça, avatar comme ça. Quand vous, moi je me présente, vous me connaissez. Tout le monde sait que je m'appelle Onouvier. D'accord? J'ai le nom de mon grand-père avant de l'Onouvier. Voilà, c'est mon nom. Le nom de Moiré Onouvier, c'est mon nom d'initié. Je me présente à vous, vous connaissez mon nom, et vous me faites des messages comme ça, vous ne donnez même pas votre nom. Ça, c'est un. Et de deux, vous n'êtes pas présenté. Un, je ne sais même pas qui vous êtes. De deux, mais dites-moi au moins dans quel pays vous vivez. Et de trois, vous me faites un discours. Je suis allergique, je vous le dis. Ici, sur YouTube, sur Facebook, c'est seulement combien? 7000 personnes seulement. Mais vous savez les centaines de milliers que j'ai dans d'autres réseaux là-bas. African Caribbean Network. 710 000, je viens de vérifier. 710 000 personnes. Des dizaines de milliers de personnes qui m'envoient des messages. Et ils sont très brefs. Hey, master, lead. This is a question. What should I do in this case? This is a situation going on. Terminé. Il a été clair. My name is Paula. I'm calling from Ireland. Great Britain. Terminé. Et là, je réponds vite. Mais non, vous me faites un long discours de 10 pages. Et avec ça, vous ne me donnez même pas votre nom. Vous n'êtes pas fiché de me donner votre nom. De là, je suis obligé d'imaginer quand je vois le nom Bazoro. Mais Bazoro, ça peut être la Guinée équatoriale. Ça peut être aussi le Cameroun. Et pourquoi pas le Congo? Puisqu'on trouve les femmes au Congo, au Cameroun, au Gabon. Donc, présentez-vous. Ne pensez pas que je sois méchant. Ayez pitié de moi, s'il vous plaît. Je fais deux boulots. Je travaille 16 heures par jour. Je travaille 16 heures par jour et j'ai des conférences que je fais. Ça, là, peut-être seulement YouTube, où je reçois un petit 300 ou 400 dollars seulement. Ça me rapporte quoi? Ça rentre dans la cagnotte, là-bas. Et Facebook également, c'est récemment, là, maintenant qu'ils ont commencé à me payer. Ça rentre dans la cagnotte. Mais pour être honnête, ce n'est pas ça qui me donne ma vie. J'ai deux boulots, c'est ça où je gagne suffisamment ma vie, où j'ai un salaire, où je dois m'occuper de ceci et cela. Et les conférences que je fais, on me propose jusqu'à 1000 dollars pour deux jours, ou bien 200 dollars par jour, plutôt par heure, quand je vais faire le yoga du rire, par exemple, le laughing yoga. On m'appelle, je suis très occupé, moi. 16 heures par jour, je travaille. Donc, maintenant, quand moi j'arrive avec ma fatigue, je vais voir l'un des trois téléphones. Je regarde comme ça, vous faites un discours de 10 pages, vous ne vous présentez même pas. Vous ne donnez même pas votre nom ni votre adresse. Arrêtez-moi ça. Et arrêtez de faire de longs discours pour rien. Je m'appelle Mutunonu Lézard. J'habite Pointe-Noire au Congo. J'ai un problème, mais je vais brièvement vous l'expliquer. J'ai constaté que j'ai un blocage dans le plan professionnel et j'ai un blocage au niveau de ma relation avec ma femme. S'il vous plaît, pouvez-vous regarder cette situation? Que dois-je faire? Dois-je prendre rendez-vous avec vous si vous pouvez? Ou bien, est-ce que c'est nécessaire que je me fasse initier? Quand je lis ces lignes-là, c'est seulement cette ligne pour un quart de page. Ça là, ça va. La personne s'est présentée. La personne m'a dit brièvement. Mais vous rentrez dans les détails. Vous commencez d'abord par me parler de votre vie de l'école. J'avais un ami, oh, on a grandi ensemble. Oh, vous changez. Oh non, maintenant là, oh, j'ai vu avec un directeur général. Oh, mais on est en rivalité. Oh, mais j'ai rêvé un serpent qui m'est mort. Oh, mais ce n'est plus ça, oh, maître. Oh. La dernière fois dans votre vidéo, vous avez dit ceci. Donc, vous faites du coq à l'âne, vous mélangez à gauche, à droite. Maintenant, vous voulez que je vous réponde comment? Même si j'étais Dieu, je fais comment? J'ai donné un enseignement ici, là où j'avais dit que comment il faut prier? Comment faire en sorte que Dieu réponde à vos prières rapidement? Il faut être précis. Et il faut What's the word in French? Gosh. Prioritize in French is what? Il faut mettre une priorité. Sur les 10 problèmes que vous avez, mettez le problème le plus prioritaire d'abord. Trouvez la solution à celui-là. Mais si vous amenez les 10 à la fois, même celui que vous appelez Dieu, qui habiterait je ne sais où, à l'Ikwala, ou bien en Ngabembe, ou bien en Zayong, il ne viendra pas parce qu'il va te dire, toi là, tu t'embrouilles trop, tu as trop de problèmes. Oh, pardon, moi, je ne sais pas par où. Dis-moi lequel on doit d'abord chercher à trouver la solution. Est-ce que tu veux avoir les enfants ou bien tu veux devenir élu député du 3e arrondissement à Libreville ou bien quoi? Qu'est-ce que tu veux? Donc, c'est sur cette note que nous avons terminé notre live. Que Teta Mwanga vous bénisse. Passez un très bon week-end. Nous sommes samedi. Mon heure d'aller au dojo est déjà là. Il reste seulement 5 minutes. Je vais aller un peu m'exercer et transpirer avec mes enfants. Enfin, les jeunes Américains. Et j'espère que vous avez saisi le sens de mon message. D'accord? Je ne suis pas un maître du bouti. Il faut retenir ça dans vos oreilles. Je suis un initié. C'est tout à fait dans mon droit de faire la promotion. Il y a même des gens qui ont fait la promotion du bouti qui n'ont jamais été initiés dans le bouti. Je ne sais pas si vous le saviez. Mais moi, ça me fait très mal au cœur de simplement constater que le bouti est calboigné. Les gens raspillent le bouti, ils utilisent ça à des fins non, qui n'ont rien à voir avec le véritable bouti comme ça a commencé. D'accord? Et mon choix de travailler avec mes frères pygmées, c'est un choix personnel. Je n'ai pas sous-estimé les autres frères, hein, qui sont les Mitsoro ou bien les Pougou, en aimant les frères Bantou, je ne les ai pas négligés. Moi, chez mes propres parents, Ngomiene, on a le bouti qu'on appelle bouti Yakoua, mais bouti Yakoua avait dit quoi? Mais c'est le bouti des pygmées. Donc, rassurez-vous. Soyez clair, désormais. Retenez pour conclure que quel que soit le cheminement spirituel que vous avez choisi, là, quel que soit le chemin que vous avez choisi, hein, ce n'est pas l'amusement. On ne rentre pas dans l'initiation pour chercher des pouvoirs des femmes, chercher le pouvoir de l'argent, ou bien être promu, ministre, ou quoi là. Et d'ailleurs, j'ai rejeté tout ce qui me dérange en faisant des demandes comme ça. Oh, monsieur, on oublie. Là, il y a un conseil des ministres. Ce n'est pas seulement au Gabon, hein, même ailleurs, dans d'autres pays d'Afrique. Il y a un conseil des ministres là, et je vais maintenir mon poste. Combien je dois vous donner? Moi, ce genre de travaux-là, je les balance du revers à la main. Parce que je risque de participer. Quand toi, tu vas avoir la promotion là, après, tu vas aller voir encore un autre sorcier, sacrifier des gens. Sur cette ligne, sur cette chaîne des gens que tu as consultés, le nom de Mouvier dedans. Moi, je vais travailler pour mon immortalité. Oh, je vais quitter cette terre-là sans un fardeau. Même les livres ou les vidéos, les conférences, l'argent qui tombe là, ce n'est pas pour moi. Je travaille pour mes petits-enfants. Parce que l'avenir de l'Afrique, là, ce n'est pas clair. Mes petits-enfants, Dieu seul sait s'ils vont avoir du travail un jour. Au moins, leur grand-père s'est battu fort en travaillant très dur en psychiatrie et en faisant ses conférences à travers les connaissances des histoires des ancêtres. Et tout cela, les livres ou quoi qui vont rester, ce sont eux qui vont exploiter ça pour aider les futures générations. Parce qu'il faut que quelqu'un marque une histoire sur cette terre. Soit vous avez planté un arbre, soit vous avez conçu des maisons, soit vous avez fait des enfants. Trois choses. Soit écrire un livre, avoir des enfants ou bien planter un arbre. Moi, j'ai planté un arbre. Je dirais même deux. Un ici aux États-Unis, j'en ai planté. Dans un live là, dans une vidéo, vous allez voir, c'est déjà grand cet arbre-là. C'est là. Le nom est marqué dessus, Oumoufi. À Gamba, j'ai même planté un arbre. À Port-Gentil, j'ai planté un arbre. À Lambaréné, chez moi, dans le village appelé Biwenye, j'ai planté un arbre, sauf s'ils l'ont coupé. Parce que j'ai appris récemment qu'il a tellement grandi. Voilà. Ce qui me reste, c'est de finir les livres. J'ai les enfants. Il y en a près de 5 qui sont là. Sans compter les petits-enfants. Il y en a plein. Filles comme garçons. Aujourd'hui, là, je dois avoir maintenant 4 ou 5 petits-enfants. Voyez-vous? Ça, c'est un nom qui reste. C'est le nom Oumouvia qui reste déjà. Que Tétan Monga vous bénisse. Merci beaucoup. Que Tétan Monga vous bénisse. Merci, merci, merci, merci encore. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, merci, merci encore. Merci, merci, merci.